Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Déjà ? Ah ouais, c'est déjà toujours un spectacle, hein, de toute façon. Madness. Oh, one step here. Oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés. Tout d'abord, elle est co-animatrice du podcast Tourista, où elle parle voyage avec des invités. Animatrice de Comment tu dates, où elle cherche à savoir comment se passe la séduction chez des gens qu'on entend peu sur le sujet, comme par exemple un ex-détenu ou quelqu'un de séropositif. Elle est aussi l'héroïne et la scénariste du documentaire La grosse vie de Marie sur France TV Slash, où elle traite de la grossophobie. Son nom est celui d'une comtesse prusse qui serait l'ancêtre d'Axel Bauer. C'est Marie de Breuer. Oui. Co-animateur avec Marie du podcast Tourista, il s'est fait connaître sur Internet, puis sur Canal+, pour ses défis, qu'ils aient été de faire Paris-Lyon en Vélib, de rester 160 heures dans un transsibérien, ou d'avoir comme deuxième prénom Jefferson. Et oui, je suis allé sur ton wiki, je me suis régalé. Il revient sur YouTube avec un défi encore plus fou, arrêter l'alcool pendant un an, une super vidéo dans laquelle il aborde le thème de l'addiction. Il a survécu à tout, même à le live, c'est Maxime Muscat. Oh, ouais. Bon souvenir encore. Ouais, une belle chose. Ancien journaliste chez 20 minutes, il officie maintenant sur sa chaîne YouTube Dans ton corps, dans laquelle il vulgarise la santé et la médecine. Il a également écrit un livre sur la merde, autant vous dire l'équivalent de la Sainte Bible pour nous. S'il n'est pas Dr House, est-ce que ça fait de lui Mickey Mouse? C'est Julien Méniel. Oh, magnifique. On rend hommage à Toff. Absolument. À Toff, ouais. Il a installé ses tréteaux, il a dressé son estrade et tendu des calicots. Il a parcouru les faubourgs, il a donné la parade à grand renfort de tambour. C'est Adrien Méniel. Je les ai plus, les refs. Tu l'as pas celle-là? Mais déjà la semaine dernière, tu le maîtrises pas. Parfaitement. Julien Clerc. Charles Aznavour. Oh, chers amis, le ministère des Sports a accepté une nouvelle discipline comme officiellement un sport, à votre avis, laquelle? Le e-sport? Non, pas le e-sport. C'est sexuel? C'est pas sexuel, non, c'est pas du tout sexuel. Ah non, le ministère des Sports, le vrai. Ouais, c'est le ministère des Sports. En France? Et ils ont dit, en France, ah ouais, on est en France. Et ils ont dit, ok, maintenant ça c'est un sport. Ok, c'est accepté comme un sport. Les échecs, non? Oh là là, mais très bon. C'est ça, bon, c'était déjà, non? Vendu avec peu de. Non, j'ai très bien, mais. Pourquoi je pensais que ça l'était déjà? Non, c'est vrai. Non, parce qu'il n'y avait pas des échecs au JO pendant une année ou un truc comme ça? Non, pauvre ami, ouais. J'en ai aucune surtout idée. Surtout chez non, là ça a été accepté il y a quelques jours tout simplement. La Fédération Française des Échecs a signé ce mardi avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports un contrat de délégation de service public. Une reconnaissance attendue depuis plus de 20 ans. Ça faisait 20 ans qu'ils espéraient ça. Donc autant vous dire que l'e-sport... Patience. Avec la délégation, les fédérations sportives bénéficient de l'assistance financière, humaine et matérielle de l'État via le ministère et l'Agence nationale du sport, avec la présence notamment d'un directeur technique national. Alors ça veut dire que si, pardonne-moi. Non, je t'en prie. Si, en EPS, on peut choisir maintenant soit piscine, bac, soit ping-pong, soit échec. Ouais, peut-être, je sais pas du tout. En fait, j'avoue qu'à part l'aide de l'État, je sais pas du tout ce que ça implique techniquement. Mais Bah, je sais pas. Mais c'est qu'il y ait des pros, non, et qu'ils soient rémunérés pour leur travail. Ça existe déjà, non? Après, ouais, je suis complètement con. Ah oui, mais attends, pop, papa. Pardon? Papa. La dernière fois que je suis venu, le micro n'avait pas marché. Je sais que c'est du bien. Ça marche très bien. Papa fait des paix polyphoniques. Mais regarde, maintenant on a même un micro de secours. Ça va, mon iPhone en magnétophone. Prout to pastis. Ah oui, c'est papa ça. Est-ce que vous faisiez une activité extrascolaire, par exemple, quand vous étiez au collège, lycée, soit sport, instrument, je ne sais quoi? Marie, par exemple? Oui, j'ai fait de la danse pendant 15 ans. 18 ans même. Danse classique, contemporaine? J'ai tout fait. En premier. On rentre par le classique. Et contemporain, hip-hop, j'étais pas ouf, je vais pas vous mytho. J'en ai fait qu'un an, j'ai fait ça va aller. Je rends les armes. Laborère, ça marche pas. Et du coup, moi c'est la question que je me pose, quand t'as fait ça de quel âge à quel âge? Genre de mes 4 ans à mes 18, ouais. Ah oui, d'accord, donc t'as encore des restes? Genre pas du tout, ah, rien, ouais, c'est ça, que dalle. Mais ça me manque marrant, un peu, on oublie un peu quand même les trucs qu'on a fait. Je sais que mon frère il faisait du judo et je le nique à la baston par exemple. Ah. Donc ça veut dire. Non mais tu vois, il y a pas trop de reste de. Le judo c'est pas pour la bagarre. Normalement quand tu fais du judo, tu n'as pas le droit d'utiliser. Il doit savoir hyper bien tomber par contre. Ouais, c'est ça. Il sait très bien saluer sur un tatami uniquement. Ça veut dire voit de la souplesse. Donc voilà, en souplesse je pense. Et se serrer la ceinture. Ouais. Et parler le temps qui court. Et ça. Macron. Allez. Oh là là, il a dit le mot en M. Le M word. Maxime. Voilà, alors moi j'ai fait beaucoup de sport, mes parents étaient profs de PS, donc moi ils m'ont fait tester tout. Les deux? Les deux, ouais. Ah putain, d'accord. Ouais, wow. Les deux profs de PS, je pense qu'ils se sont rencontrés un peu comme ça, je sais pas trop parce qu'ils m'ont pas jamais trop raconté leurs histoires. Bon, on va les appeler. mais non, moi j'ai fait beaucoup de sport, judo, rugby, handball, mes années d'accord. un peu collège-lycée, ouais. J'étais en sport-études. Est-ce que ça te rendait fou les gens qui disaient handball? Je disais non, du handball parce que c'est en allemand. C'est ouais, voilà, comme tous ceux qui jouent handball. Ouais. Ça vient de l'Allemagne en fait. Et j'ai fait du flamenco et ça c'est pas sur ma page Wikipédia. Ah, voilà, je vous invite à le rajouter. Ça le saura bientôt. Ouais. Et d'ailleurs ton nom d'acteur porno pourrait être Jefferson Flamenco. C'est vrai. Quel est le titre de cet épisode? Mais le flamenco, comment tu es venu au flamenco? Alors j'étais. Comment on vient au flamenco? Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie histoire, il y a une vraie anecdote. Alors c'est mon ami Sylvain qui était mon meilleur pote, je crois au CE2. Donc j'étais à Comte, je venais de partir de Paris pour aller dans l'arrière-pays niçois. Et donc d'accord. J'arrive à Comte et il y avait la mère de Sylvain qui est professeur de flamenco. Et Sylvain m'a dit, ma maman elle cherche des hommes pour pouvoir avoir attends, tu dis pas que t'avais 12 ans que... Non, CE2. CE2. Ah, donc flamenco. Moi encore. Ah, 8 ouais, ans encore. Oui. Alors, rugby, handball au collège et lycée. Flamenco à 8 ans. Flamenco 8 ans. Ouais, ah, il n'y avait pas de garçon. Il n'y avait pas de garçon, donc il fallait des partenaires. D'accord. Et donc, ils étaient à recherche. Et voilà, on était les deux seuls garçons. Il y avait 10 filles et on était les rois du monde. À 8 ans tout de même. Ta mère, elle danse du flamenco avec Maxime. Une insulte de collège un petit peu. On pourrait sortir, qu'on pourrait s'arrêter. On n'a pas trop bouli pour ça, j'ai eu la chance. Julien, toi? Moi, je faisais de la batterie. Et t'as des restes, tu joues encore? Je joue encore, j'en ai racheté une il n'y a pas longtemps. Une batterie électronique pour jouer dans mon appartement. Vas-y, et fais une petite démo. Rakataka. Oh putain. Un petit roulement. Metallica. Le sport, en gros, je changeais tous les ans. Donc j'ai fait du rugby, de la boxe française, de la savate. Les brigades du tigre. J'ai fait du volley. Je t'avais suivi sur la savate d'ailleurs pendant un mois à peu près. Pendant une séance. Et c'était février. Moi à l'inverse, je t'avais suivi sur le basket, pareil, pendant un mois. Donc j'ai fait plein de sports différents. Et après, je me suis bloqué sur le rugby, sur le tard. Ouais. Et sur ces choix-là, c'était vous ou est-ce que c'était vos parents qui vous avaient? Bon, toi, Maxime, tu nous dis que tes parents étaient profs de PS, donc j'imagine qu'il y a une petite orientation. Mais est-ce que c'était toi Adrien, par exemple, t'avais envie de faire des... Toi, du coup, tu faisais... Moi, j'ai fait du foot. Ouais. C'est vrai. Mais par envie ou est-ce que c'était vraiment qui disait allez, faut faire une activité extrascolaire? Non, il prêtait assez peu d'importance. je confirme. Il nous laissait très libre. Non, j'avais envie quoi. Le coach de foot était mon prof de CP. Bah c'était Norbert Coposo. Norbert Coposo, qu'on salue. Bien sûr, il est mort, je crois. Ah bon? C'est pas lui. Se martyre seulement là-haut avec Coluche et des proches. Bah, c'est la question. Peut-être avec Maradona. Peut-être. Et Daniel Klein, donc c'est. Comment? L'instit, c'est. Gérard Klein. Il est mort, Gérard Klein. Bah, je sais pas, mais il peut se marrer quand même. Je crois qu'il est pas mort du tout, Gérard Klein. Non, tu l'as dit la dernière fois pour des gens qui étaient pas morts. Je crois qu'il est en train de faire tout simplement du scout avec deux casques, comme il a toujours fait dans l'instit. Quand l'instit, à chaque fois, il repartait en moto, il avait deux casques, un pour lui et un pour le gosse. Ouais. Désolé, les parents allaient pas chercher. À moto, désolé. Aïe. Versus message. Je sais, tu me l'as envoyé. Ah putain, ça m'a rendu fou. Je repense à un truc. J'ai fait une année de hockey sur glace pour une raison que vous allez peut-être deviner. C'est une devinette. Une devinette, tu voulais trouver. Tu voulais séduire une fille. Même génération, on pouvait trouver. Le film Young Blood, les petits champions, ouais. Ah putain. Et donc j'ai fait vraiment. Ça m'a donné trop envie parce que j'adorais. C'est un film. Genre à Nice, tu peux. Il y avait une patinoire, ouais. Sauf que je suis arrivé et donc c'était je crois en 3e. Et en gros, j'arrivais dans un club où il y avait des gens qui faisaient ça depuis qu'ils étaient enfants. Ouais. Moi, je ne savais pas trop, un peu patiner, mais pas du tout faire du hockey. Mmh. Et vraiment, dans les vestiaires, personne ne me parlait. J'étais le petit nouveau qui était un peu nul et tout. Et j'ai passé une année un peu de l'enfer. C'était pas du tout comme dans le film Les Petits Champions. À la fin, les gens ne faisaient pas. C'est toujours une déception. Hein. Ouais, c'était, voilà. J'ai essayé de couper des petits champions où les mecs se font virer. Mais tu sais, ça, c'est ce truc où c'est des sports où de l'extérieur, tu te rends pas compte. En fait, c'est très dur. Bah, la danse, typiquement, je trouve que c'est. Ouais, alors à 4 ans, c'est vraiment un pas à droite, tu tournes, un pas à gauche, tu te tournes. C'est la danse d'Hélène, en fait. Tu mets le doigt devant, tu mets le doigt derrière. Ouais, moi, je me rappelle que je voulais faire du saut à la perche. C'est vrai, je me rappelle. Je voulais, je sais pas. Alors vraiment, je sais pas pourquoi. Je voulais aller plus haut. On peut pas plus haut le faire quand on est trop jeune, non? C'est pas ça? Bah, je sais pas. En fait, là pour le coup, c'est la seule fois où nos parents sont un peu mêlés du truc. Ils m'ont dit, ne fais pas ça. Fais autre chose. Rugby, c'est bien rugby. Moi, j'ai fait athlétisme et je voulais faire aussi sur la perche. Et ils m'avaient dit, non, pour l'instant, t'es trop jeune. Tu peux pas faire le. Enfin, pour l'instant, cours. Juste apprends à courir. C'est le 23ème sport que tu nous donnes, Maxime. J'ai fait beaucoup de sport. Putain, c'est ouf. C'est l'attention. Il y avait de l'énergie à. Une habitante de Pontoise s'est fait dérober. Oui, et bien sûr. On les embrasse. Vers Sergi. S'est fait dérober sa voiture. Qu'a-t-elle tenté de faire pour décourager ses voleurs? Alors, dire j'accouche. Non. Alors, elle a genre un carjacking. Carjacking. Elle ne s'est pas fait carjacker. Mais non. Ils l'ont volé sous ses yeux. Elle a vu les voleurs. Même pas. On lui a volé sa voiture. Et elle a trouvé une méthode. Elle a passé une annonce en disant bah j'ai le Covid dans la voiture. Elle avait une CB. Trop chiant. Elle avait une CB, elle a contacté. Non, est-ce qu'elle a passé des annonces dans le quartier? Pas du tout. Parce que faut que ça atteigne les voleurs. Il y avait un truc dans sa voiture. Sur le, la bonne, elle avait ses AirPods dans la voiture, elle les a fait sonner. Mais tu t'approches. Le web. Il y a un cadavre dans le coffre. Elle avait son enfant dans le coffre. Le cadavre. Alors pas de cadavre et pas d'enfant. Un AirTag? Non. Pas d'AirTag. Moi aussi je l'ai volé. Ben c'est rigolo que tu dis ça. Il y a deux épisodes, Freddy Gladius a raconté cette anecdote. Il a revolé son scooter. On lui avait volé parce qu'il a vu avec l'appli où est-ce que c'était. Tu fais un quiz. J'écoute tous les podcasts. J'ai tous par cœur. T'es sûrement mieux que nous. Pas moi. Alors. mais vous étiez pas loin avec. C'est un truc qu'elle peut faire effectivement à distance. Elle a déclenché l'alarme. Ah oui, non. Elle a oui. C'était une genre une Tesla ou un truc comme ça, non. Un truc un peu connecté. Ah, elle a fait les proutes clignotantes ouais, sur ça. quel bonheur, j'ai vu un truc de ça. C'est quoi? En gros, mais tu peux mettre ça dans la voiture de notre sœur. Non, j'étais pas là. Une Tesla et tu peux mettre des bruits de paix quand tu actionnes les clignotants. Ouais. Bah, ok. C'est trop bien. Moi, j'adore. C'est ça trop vaut largement. Ça vaut largement. Ça les vaut. Tu vois, j'avais un petit mépris sur les gens qui avaient des Tesla. Ça s'est effacé là. Bah, voilà. D'un coup. Non, donc c'est pas une Tesla. Non, c'est un truc à distance. C'est un truc la avec musique, elle a mis Sardou hyper fort. Non, mais tu t'approches. Mais attends, c'est un truc qu'elle peut déclencher dans sa voiture à distance. Exactement. Je vous donne le modèle, c'est la Toyota RAV4 hybride. Ah bah voilà. C'est plus clair. Elle a ouvert les fenêtres. Carlito, elle en avait une. C'est un rapport avec la musique? Non. Elle a coupé le moteur, la radio. Non, la pauvre. Elle non, a non. mis non. Ok. C'est pas l'alarme, c'est pas. C'est avec le GPS. Ah. Elle a changé la voix du GPS. Elle a mis la voix. Elle a mis un message dans le GPS. Elle a mis la voix de Karl Lagerfeld. C'est ça? Non, c'est pas la voix. Un message? Non. Non, c'est plus. En fait, c'est mignon parce qu'évidemment que ça ne pouvait pas décourager les voleurs. Elle a mis son adresse dans le GPS. Pour elle a mis une photo de ses gosses, une photo de ses gosses ou un truc comme ça. Non, là, ce serait vraiment très mignon. Mais moins mignon. Non, c'est un peu moins mignon. Photo de son chien. C'est mignon dans le sens. C'est, tu connais pas mes goûts en même temps. C'est normal. Commissariat. Est-ce que c'est mignon dans le sens bah, évidemment que ça ne va pas marcher. C'est ça. Ok, d'accord. C'est plutôt. Elle a changé la voix. Non, c'est pas ça. Non. C'est vraiment. Mais donc un truc avec le GPS, mais qui est censé les dissuader. Elle a mis une destination. Non, ou les attendrir, genre. Leur faire peur. Leur faire peur. Fidèle avec un flic? Non, c'est génial. Toutes vos idées sont mieux que la réponse, malheureusement. Je suis désolé, mais son adresse aurait été vraiment le plus drôle. Elle l'a fait clignoter. Non. Mais hyper vite, c'est hyper énervant. Elle a mis domicile. Elle a fait une crise d'épilepsie, elle a fini dans le platane. Donc, domicile, elle a mis le commissariat ou Macron ou un truc comme ça. Bah, genre, vous êtes pas loin. Elle a fait Darmanin. Comme si c'était. Elle a mis l'adresse de Darmanin. Non. Mais comme le mec connaissait pas l'adresse de Darmanin, bah, il a pas compris l'adresse. Non, mais je vais vous dire la réponse. C'est une destination. C'est sur la destination. Ok. Elle a mis genre un lac. Non. Le milieu d'un lac. Une falaise. une falaise. Non, chez. Bah non, je savais pas qui c'était. J'allais dire chez leur mère. Chez quelqu'un. Pour s'excuser. C'est un endroit qui est censé faire peur. Exactement. Donc, attends, c'est en France? L'enfer. En France, oui. L'enfer. Alors, ça fait partie des destinations. Elle a mis l'enfer, SOS, Satan, le cercueil ou encore prier. Font partie des destinations qu'elle a entrées en distance dans l'appareil. C'est des gens superstitieux, quoi. En disant, elle a dit justement, j'espère sincèrement que les voleurs sont superstitieux. C'est une habitante de Pontoise qui s'est fait voler sa voiture devant chez elle le 30 septembre 2021. La plainte a été déposée, mais le propriétaire a découvert grâce à la puce GPS que son véhicule avait fait un long voyage et se trouvait à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis Noël. En fait, ça s'appelle les raveurs. C'est pour ça que je vous disais la marque, la Toyota RAV4 hybride. Les raveurs. C'est des mecs qui adorent faire la fête dans des Toyota. Non, en fait, c'est des voitures qui s'ouvrent avec la clé à distance. Donc, en gros, elles peuvent se pirater très facilement. C'est des clés sans contact. Et donc il pique les bagnoles comme ça. Et donc elle avec le GPS à distance, elle a voulu en faire peur en mettant l'adresse le cercueil. Ouais, là, ça là, n'a pas marché. Depuis septembre, je pense qu'on peut considérer que qu'ils la rendront pas. Qu'ils la rendront pas. Si elle est à Abidjan surtout, je pense qu'il y a peu de chances que. C'est visiblement j'étais déterminé. Moi je me rends compte de ça, je fais que chialer. J'ai pas l'idée d'envoyer l'enfer. Mais c'est ça. Mais là toutes vos idées. Ça marche. C'était mieux juste une photo d'elle comme ça avec de la thune avec un flic. Ça, ça aurait été vraiment marrant. Savez-vous ce qu'est le coprolite? Oui, bah bien sûr, il connaît. C'est un truc avec la merde. Alors, c'est la merde. C'est un fossile de merde. Alors, pas n'importe quel fossile de merde. De dinosaure. De merde de caca. Oui, bien joué. C'est une mutuelle. Précision. C'est, de baleine. Pardonnez mon jargon. Non, alors c'est pas de la merde de baleine. En fait, c'est une. Elle a un titre cette merde. Ce coprolite. Sœur. La plus vieille merde. La plus vieille merde elle du monde. Connerie. Elle a été adobée par la reine. La plus vieille merde du monde. Bah ça, pour moi, c'est Le Pen. Allez. M'applaudis. Ça, vous pouvez le garder, ça. Non, alors c'est pas la plus vieille merde. C'est pas la plus vieille. La plus sachant belle. Qu'elle date quand même de. La plus savoureuse. Elle a été découverte. Ah, mais c'est un coprolite particulier parce que. Il l'appelle le coprolite. Oui. Le coprolite de la Lloyd Ban, d'accord. Ah. Et elle a été découverte. Enfin, il a été découvert quand c'est le plus gros apparemment. Quand c'est un coprolite, ça devient masculin. C'est le coprolite d'un roi célèbre. Non. C'est la merde d'un roi. Quelqu'un connu. Non. Quelqu'un connu. C'est une vedette. C'est la merde d'un Maximus. Il est vivant. Non, parce que c'est une merde qui date de 1972. Enfin, elle a été découverte en 1972. Ah oui, parce que en 1972, c'est pas. Cela dit, ça se fossilise peut-être vite de la merde. Je demande à un spécialiste. J'essaierai. La prochaine, je la garde. On demandera à Philippe Catherine. Je vous rappelle que Philippe Catherine collectionnait ses caca à une époque. Il a dit, je l'ai jeté, ça prenait trop de place. Je collectionnais mes paiements. Ah putain. Ah, dans des petits bocaux. Dans des petites boîtes de pellicules photo. Et alors? Et alors je voulais faire, mais j'étais hors de moi quand j'ai entendu l'histoire de la meuf qui vend ses pets là. Ah oui. Parce que je voulais faire ça, mais j'avais 8 ans. Je voulais faire un musée du pet. Ah, mais de tes pets. J'aurais commencé avec mes pets et après j'aurais, tu vois, fait un appel à contribution. Oui, tu serais allé voir des célébrités. Des pets de célébrités, machin et tout. Ouais. Tu sais, ça a commencé tôt donc ces histoires là. C'est une vocation en fait. D'accord. Tu m'attendris. Ce caca date du 9e siècle, ça je peux vous le dire. Et donc, 9e siècle, t'as pas dit 1972. Il a été découvert. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Bah non. Qui t'invite à la télévision? Bah écoute. En fait, elle a un record cette merde, tout bonnement. Elle, c'est la plus grosse. C'est. Ou la plus petite, mais ce serait chiant. C'est techniquement le plus gros caca humain. Ah, jamais découvert. C'est un caca de Raymond DeVos. Et on est sûr que c'est en un coup? Parce que peut-être c'est quelqu'un qui collectionnait et du coup c'est pour ça qu'il est énorme. Il y a une photo. Faut vérifier si c'est pas compacté, c'est peut-être plusieurs caca. Ah oui, ça ressemble à un perfect un peu. Hein. Ça ressemble à ce que t'as découpé avec un cintre, toi. C'est vrai. Pardon. Donc c'est le caca de Patricia, je pense. Voilà. C'est quoi t'as découpé? Il faut que tu racontes la chute. J'ai découpé un caca au. Oui, j'ai fait un stage quand j'étais. J'ai raconté la chute un peu, mais. Quand j'étais élève infirmier, j'ai fait un stage dans un centre pour personnes handicapées mentales. Mental du coup. Et tous les jours après le repas, les résidents allaient aux toilettes. Et il y avait une des résidentes qui restait toujours très peu de temps. Et un jour, elle reste très longtemps. Et tout le monde revient dans la pièce et on lui dit ah, mais il manque Patricia et tout. Donc je vois que personne bouge. Donc je dis je vois qu'elle a pas pris son iPhone. Je vais voir, elle doit être restée aux toilettes, je vais aux toilettes et tout. Et je la trouve sur les toilettes. Et je lui dis il faut revenir Patricia machin et tout, donc elle se lève, elle retourne dans la salle et tout, et je regarde dans les toilettes et je vois ça, le coprolite en fait. Littéralement le truc un enfant. D'ailleurs aujourd'hui il a 17 ans et il va avoir son bac. Il est ministre de l'intérieur. Oh oui. Et je suis revenu dans la salle, j'ai dit ça aux éducatrices, j'ai dit il y a un machin là, je tire la chasse, ça veut pas. J'ai essayé vaguement de la fragmenter à la brosse à chiottes. Je suis pas fan. Mais allez-y, je peux can take it. Et ils m'ont dit regarde derrière le radiateur. Et j'ai regardé derrière le radiateur. Il y avait une autre merde encore plus grosse. Qui me regardait fixement. Vas-y, essaye. Ça met les choses en perspective. C'est un ministre. Alors attends. Non, il y avait un cintre. D'accord. Un cintre qui était accroché par le crochet, qui était étiré, roulé sur lui-même avec des petits bouts de caca séchés partout. Et c'était pour découper la merde. Oui. Voilà. Dans le... Ça va, Marie ? Tout très bien. Tu reprends pas des chips ? J'en ai pas d'autres sur la merde, sois rassuré. Tranquille, non mais ça va, je... Voilà, c'est fait, bon, on s'est fait. C'est fait. Bon, là, malheureusement, on a plein d'auteurs qui viennent de partir en apprenant qu'il n'y aura pas d'autres anecdotes sur la merde. Restez, il y a plein de trucs. Restez. Mais là, celui-là où je suis surpris, c'est qu'ils disent qu'il mesure 20 cm de long pour 5 cm de large, et ça me paraît pas si énorme. Une tub. Bonne tub, quand même. Ouais, quand même. Non, ça va. Non, mais je sais pas. Bon, après, il faut les mais faire. Surtout, hein, mais vu la photo, là, on avait l'impression que c'était beaucoup plus gros que ça. Oui, là, c'est. On dirait un plat de lasagne, hein, pour qu'on visualise un peu le truc. Non, je sais pas. C'est... Ils ont pas mis un pouce, une main à côté. C'est comme les bébés, tu sais, comme les bébés quand ils sont nés, tu les mets dans du plat. En fait, c'est pareil la avec ta mère. Qui est balèze. 20 de long, c'est pas énorme. 5 de. C'est de diamètre, en fait. Et 10 de large sur la. Bah sur oui, mais c'est, oui, c'est de diamètre, forcément. Donc, balèze, mais pas de rayon. Ah, de rayon, ce serait pas mal. C'est les autres débats hein, que ce que notre podcast m'a. Oui, c'est de. Ça change un peu. La merde, et puis à mesure, c'est les mamies. C'est de la chiasse. C'est des touristes, c'est des gens qui parlent de leur voyage. Oui, oui, parfois ça peut arriver. Il y a des problèmes de merde, des fois. Mais il n'y a pas besoin de les découper, les petits trucs. Hein, ça, non, ça part, en général, c'est dans la nature. Voilà. Dans une gourde. Et puis généralement, je passe un excellent moment parce que j'adore parler de merde. En mode gourde. Alors, connaissez-vous, on va changer de sujet, vous parlez de tourista ou parlez de voyage, connaissez-vous Lopburi ? C'est une ville en Thaïlande, tout simplement. Okay. Une ville très célèbre puisque c'est le théâtre d'affrontements réguliers. De singes. Bah alors, j'allais le dire. C'est un peu notre marotte. C'est un peu dans notre podcast. On parle souvent des guerres de singes. Il y en a énormément dans le monde. On en parle très peu. On est peut-être le premier média à avoir parlé des guerres de singes. Les médias n'en parlent pas. Mais il y a des grosses guerres de singes dans le monde. Et donc il y en a une effectivement grosse à guerre de singes. Grosse guerre de singes, bon titre. Donc à Lopburi. Et à votre avis, qu'ont prévu les autorités pour un peu calmer les tensions entre ces deux gangs de singes, parce que c'est vraiment, c'est pas juste des singes qui se battent, c'est vraiment deux gangs de singes, une fois de plus. C'est vraiment des. Appeler un négociateur. Il leur donne du CBD. C'est Mel Jackson et Kevin Spacey. Il leur donne un lémurien neutre. La Suisse. Vous êtes potes. C'est trop con. Hein. Prenons des cacahuètes. Regardez tout ce que vous avez en commun. Vous adorez les bananes, oui, bien sûr. Voler les aliments des touristes. C'est votre hobby bon, à tous les deux. Regardez dans mes cheveux, il voilà, y a quoi se réconcilier dans mes cheveux là. Allez, surveillez-vous. Ils leur font écouter de la musique. Non. Est-ce que c'est des trucs aphrodisiaques, ils leur donnent des trucs aphrodisiaques pour ils les égorgent tout simplement. Une balle dans la nuque de chacun. T'as dit quoi Maxime? Des trucs aphrodisiaques pour qu'ils fassent l'amour et pas la guerre. Alors, j'aime bien. Mais non, ils les baisent. Non. Ils les non. Personne ne branle de singe dans cette histoire. Au grand dame de tout le monde. Je m'en désintéresse immédiatement. Non mais c'est alors, cela dit, c'est pas aphrodisiaque, Maxime, mais c'est quelque chose pour les calmer, effectivement. C'est quelque chose des antidépresseurs, pour ça les va détendre. Pas. Autant alors, de colère. Pas des anxiolytiques. Ils leur donnent des anxiolytiques. Non, j'ai déjà dit ça. Non, pas de CBD, pardon. Pas d'anxiolytique. C'est un truc un peu naturel pour les calmer, vous imaginez bien. Bah, le CBD, de c'est naturel. Oh, je ramène ça. Bah, ce que mangent les koalas, c'est quoi l'eucalyptus. Je crois que c'est ouais, non. Alors, non, c'est okay. Pas de l'eucalyptus. De la fleur d'oranger. De l'opium. Non, la fleur de l'opium. Il les drogue pas. Ah non, il pas d'alcool, pas de drogue. Et c'est un son. Pas de l'alcool. Ils leur donnent des bains chauds. Ils leur font des massages. Bah, alors, qu'est-ce que massages de nuque. Sache que je vais te l'accorder parce qu'on n'est pas loin. Des saunas, un petit hammam. Bah, vous êtes pas loin. Pour calmer ces jeunes singes, ils pourraient lui faire écouter l'album Doggy Style de Snoop Dogg, mais oui, pas du tout. Ils leur ont construit une piscine, tout bonnement. Bon, j'adore. Avec des petites bouées. Comme quoi, tu veux avoir une piscine, bah tu fous le merdier. Voilà. Ils ont une piscine pour se rafraîchir et pour empêcher la guerre entre les groupes de macaques. C'est des macaques là-bas à Lopburi. Mmh. À mesure que les températures augmentent, les tempéraments des singes augmentent également. C'est pour faire baisser la. Et la chaleur a peut-être joué un rôle dans les affrontements massifs entre ces groupes de centaines de singes. C'est des centaines de singes qui s'affrontent. Ah, putain, j'ai l'image. Mais je veux voir ça un jour de mes yeux. Ouais. Alors, on m'envoie une vidéo dans une distance raisonnable. Ouais. Ouais. Je fais en aparté l'émission de Canal+. Je fais une petite aparté parce qu'on m'envoie une vidéo. Je suis moi. Depuis le début. On m'envoie une vidéo horrible. Alors, les news du Floodcast, c'est quand même bon enfant. Donc, ne m'envoyez pas ce genre de vidéo d'un singe qui était en haut d'une montagne et il y a une mouette qui arrive et il la chope et il la fracasse. J'ai vu cette vidéo. Très énervé. Bah oui, Et en plus, c'est vrai parce que vraiment, le singe est genre. Oui, bah voilà, je la tue quoi. Mais j'en ai vu plusieurs des vidéos comme ça de singes qui fracassent. Il y a des singes qui attaquent des singes aussi. Ah bah là des centaines et des centaines. C'était vraiment la news. Mais il les mange, il les mange. Ah ouais, les gros singes qui mangent des petits singes. Et les singes prennent des bananes et ils font. Après, regardez les vidéos d'L214, mais vous verrez ce que les humains font. Non, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, allez, l'ambiance, ça va. Le Gaulois, là. Et je parle pas de moi, hein. Parce que je suis un Gaulois de la télé, je rappelle. Moi, je parle des volailles, le Gaulois, là. Là, ils sont dans la sauce, le Gaulois. Et pas la sauce piquante, hein. Pas la sauce à moi. Ah, bah, la L214, ils les attaquent en justice, je peux pas dire mieux. C'est un roller que tu as sur Drame Point. L'État, pas l'État, non. Pas l'État. Non, le Gaulois pour commencer. Mais on attaque le Gaulois en justice. Français du siècle, je n'ai pas peur. À Lopburi, donc, il existe deux principaux groupes de singes. Les singes qui occupent les ruines du temple dans le centre-ville et les singes qui occupent les rues. Certains spéculent que les deux groupes se sont affrontés en raison de la faim et de la chaleur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est West Side Story pour moi. C'est ça, mais c'est ce qu'on disait à la fois. Ils ont des petits perfectos. Ils ont rempli un chorégraphe. Ils ont dit bon allez, dansez à la place. Évacuez votre. Fait des coupes avec de la gomina et tout. Un singe avec, oui, avec une banane. Oh, oh putain. Donc des reportages dans les médias thaïlandais indiquent que les singes ont donc profité de ce nouvel étang avec des jouets dedans. Ça, je trouve ça un peu mignon, des petits jouets. Non mais c'est trop bien qu'ils fassent ça au lieu de les. Est-ce que ça a marché? Apparemment, ça les calme un peu. Ils nagent dans l'étang, ils boivent l'eau et ils grimpent à l'échelle. Et ils meurent. Et ils font des crawls apparemment, tout simplement. Les résidents étaient également ravis de voir que ça pouvait aider les singes à être heureux, détendus et calmes. Les autorités ont également demandé aux habitants et aux touristes qui aiment bien ces animaux de leur donner des fruits, des boissons, du yaourt ou du soda rouge. Ça, je trouve ça. Oula, fou. Du soda rouge. Du coca, apparemment. Ils n'ont pas le droit de dire la marque. Ah, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il y a beaucoup moins de touristes depuis 2 ans en raison de la pandémie, les singes ont beaucoup moins de nourriture que d'habitude. Donc, ils font l'inverse que dans les parcs nationaux. Ils disent aux gens, donnez-leur de la bouffée. Ouais. Parce que sinon, ils vont être vénères. Merci de nourrir les animaux. Exactement, exactement. Bah, y avait eu ça avec. C'était des loutres. On avait eu une news où c'était des loutres, comme il y avait. C'était la guerre de loutres. Ouais, mais non, mais des gens qui se faisaient agresser par des loutres. Ah, parce que c'est trop fort. Parce que, en fait, j'aurais plus peur d'une loutre. Le singe, c'est. Ah, une loutre, ça a des petites dents. Ouais, le mais. Le singe aussi, comme hein. Comme ça, hein. Ouais. Comment comme ça bah, c'est comme. Ouais, c'est comme des doigts d'une dent vide. C'est combien? C'est très pourri. J'essaie d'expliquer pour les gens qui voient pas. Moi, je vois des petites dents un peu courbées et très. Non, ça, c'est une. Comme mes ongles. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Exactement, putain. Ça, c'est une marmotte, ça. C'est une marmotte. C'est une loutre. C'est la même famille. Mais en France, ce serait des canards, du coup. Enfin, on nourrit pas grands animaux. Cela dit, moi, quand j'étais en Bourgogne, il y avait des rats, des pigeons. Oui, tout à simplement Paris. La peste. Oui. Un émeu, vous savez ce que c'est un émeu? Ah oui, c'est une espèce de une sorte d'autruche. Et ben... C'est un ado triste. Émeu kid. Et bah, elle s'était barrée parce que c'était un fermier qui avait ça. Elle s'était barrée et elle avait vraiment foutu la zizanie à haute. Hein. Elle avait mis le why partout. Un problème. Elle était cinglée En tout cas, on lui demandait de mettre un peu le hola sur la brèche. Mais voilà. Des Américains ont lancé un crowdfunding pour acheter un truc. Un crowdfunding. Un crowdfunding, ok. Un financement participatif. Tout bonnement. Pour acheter un truc, je peux pas vous dire quoi, sinon ça vous donnerait pas d'indice. C'est la réponse. Et lancer un projet assez fou. À votre avis, lequel? Alors, est-ce que c'est un véhicule? Non. Les Américains, je sais pas. Ils ont fait un crowdfunding pour acheter des trucs pour lancer un projet. Pour acheter un gros truc. Ok. Pas vous dire mieux. Un immense truc. Qu'ils peuvent pas acheter tout seuls. Ah bah là, ils ont besoin d'un crowdfunding parce que ça coûte très cher. Un astéroïde. C'est un lieu? C'est un lieu. Une île. Un bâtiment? Ah, une île. C'est une île. Oh, bien joué. Mais ils veulent faire ils veulent faire Hunger Games de singes. Hunger Games de singes. Attention le titre. Non, alors pas eu un Hunger Games de singes, pas un Squid Game. Ni un Squid Game de singe, je vous reviens, il n'y aura pas de Squid Game. Il n'y a pas de singe, il n'y a pas de singe. Non mais reprends le micro quand même, Adrien. Est-ce qu'il y a de la merde, comme la question. Zéro merde. Ah, super. Zéro merde. Pas de partouze de singe. Partouze de singe. Oubliez les singes sur cette question. Il n'y a pas de singe. Mais est-ce qu'il y a une partouze? Une partouze de. Non, de rien. Est-ce qu'il veut faire le Fire Festival? Non, pas du tout. Un grand Koh Lanta? Non. Ils veulent construire une ville? C'est un événement? Alors, tu t'approches. Un pays? Ils veulent faire un pays? Ils veulent tout simplement construire une nation. Ah ouais. Tout bonnement. Ah, une nation indépendante. C'est un truc qu'on avait déjà vu à Sealand. Je sais pas si vous en avez bien entendu sûr, parler. Hein. Les plateformes pétrolières là. Oui, enfin c'est. Oui, pas c'est militaire dans la mer là. C'est ça. En fait, c'était une ancienne plateforme de combat de la Seconde Guerre mondiale qui avait été déclarée nation indépendante par les propriétaires en 1967. Donc là, en fait, ils ont lancé un crowdfunding. Je vais vous raconter ça. C'est un projet lancé en 2018 par des Américains à partir d'une campagne de crowdfunding. Balbutiante à ses débuts, cette campagne a porté ses fruits car les investisseurs réunis autour du projet Let's Buy an Island ont pu récolter plus de 250 000 dollars. Une somme suffisante pour acheter. C'est peu, c'est même pas un appart d'appareil. Villebrequin, ils ont eu 1 million, genre. Pour un kangourou en plus. Donc, un multiplat. Multiplat, pardon. Excusez-moi, pardon à ceux qui nous écoutent, les passionnés de Renault, ça, et on sait qu'ils sont nombreux. Les Villebrecocos, comme on appelle la commune. Une somme suffisante pour acheter Coffee Bay, une petite île sans aucun habitant d'une surface de 4,8 km2, se situant au large du Belize. Se situant l'Amazon. Oh bah ça va, j'ai bugué, oh là là. Sur la côte est de l'Amérique centrale, les investisseurs ont pu dépenser 180 000 dollars plus les taxes. L'île est devenue la principauté d'Islandia. Ah mais attends, ça coûtait 180 000 plus dollars les charges, plus les charges, donc 250 000. Rien. Mais j'achète une île directement en fait. Genre t'as les sous. Non. tu fais un emprunt quoi. Elle dispose de son propre drapeau, de son propre hymne national et son gouvernement, inauguré en janvier 2022. C'est aussi facile que ça. En c'est ça, moi je me dis, d'où ils ont la détermination de faire ça, moi j'ai... Si t'achètes un appart, du coup, tu peux dire c'est une nation. Pourquoi pas. Mais si tu crées une nation, pourquoi tu fais pareil qu'ailleurs? Un gouvernement, enfin un truc... Bah je crois que c'est un truc d'ego. Bah ouais. T'es une anard en fait. Moi c'est surtout pourquoi l'appeler Islandia, parce que il y a pas d'autres noms et tu ressembles à qui ressemble à Islande. C'est vraiment un nom de film. Parce que Islandia, tu tapes ça sur Google. Contrepartie du truc, c'était tu as le droit de nommer le truc et le mec a fait. Je ne sais pas. Islandia. Ça existe déjà. Islande. Alors même si elle revendique son indépendance, la communauté internationale ne reconnaît pas ce pays. Ah voilà. C'est pas un vrai pays. Ils ont dit tiens, on dirait, on serait un pays. Non mais... Alors que les échecs sont un sport, je rappelle. Ils sont une vraie nation, Et t'as le droit d'amener des trucs ou alors il faut vraiment que ce soit. Alors justement, les membres fondateurs d'Islandia ont établi le prix de la part pour s'y installer à 3250 dollars, donc 3000 euros, hein, je vous fais un petit peu le calcul. Merci. Écoutez, ça me fait très plaisir. Jusqu'à présent, l'acheteur ne peut obtenir qu'une seule voix pour prendre part aux décisions. Et donc en fait, oui, ils ne disent pas ce que t'as le droit de ramener. Mais après, j'imagine que c'est Animal Crossing. C'est 3000 balles la part, ils en ont déjà vendu 100. Ouais. Donc ils ont déjà remboursé leur investissement. Je crois que tu viens de mettre un doigt sur un sacré truc dégueulasse. Ils appellent le capitalisme. Je l'ai levé un lit alors. Et le président Christophe Roquencourt se félicite. Je rêve ou t'es un débunker total? J'ai l'impression que c'est ça. Là, tu peux y aller, mon pote. Masterclass. Marie, Maxime, vous avez votre podcast Tourista. Oui. On parle de pays, on parle de voyage. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer aux gens ce que c'est Tourista, tout simplement? Allez, Maxime. La chiasse. Ouais. Alors, Tourista, c'est un projet qui a démarré au moment où on ne pouvait plus du tout voyager, où en fait, on était vraiment en manque de voyage. Il y a eu quoi? Le Covid. Imaginez, des gens écoutent ce podcast dans 150 ans. Ils ont oublié cette contexte. Notre but, c'est qu'il y ait un épisode du Floodcast dans les capsules. Pour les extraterrestres, tu vois, pour qu'ils aient une idée de. Espérons qu'ils n'ont pas misophone, sinon les pauvres. Si un jour je fais une capsule temporelle, moi je décide d'en faire une. Bien sûr. Je le mettrai. Ah, c'est gentil, merci. Voilà. Mais suis avec moi, hein. Le podcast. Bah, ouais, je comprends bien. Vous doutez. C'est né pendant le confinement. Ouais, voilà, c'est ça. C'était, en fait, on pouvait plus voyager. Il fallait continuer à faire des projets alors qu'on pouvait plus trop tourner. Moi, j'avais des idées de tournage en extérieur avec. Ouais. Enfin, impossible. Donc, voilà. L'idée est venue de créer ce podcast avec Marie que j'ai rencontré en Thaïlande. Et oui, on s'est rencontré en voyage. En auberge de jeunesse. Et donc, voilà, on reçoit des invités. On a reçu Julien, par exemple. Exact, plein de gens un peu du game aussi. Ouais, il y a eu Ludoc, il y a eu Natou, il y a eu plein de gens. Ouais. Cyprien. On reçoit aussi des gens pas du game. Exactement, on a reçu une hôtesse de l'air. Des gens qui ont un lien dans leur métier avec le voyage. Enfin, voilà, bien sûr. Plein de... Non, mais c'est vrai que quelqu'un comme Ludoc, par exemple, c'est intéressant aussi parce qu'il a beaucoup voyagé. Lui, il a fait la Corée du Nord, donc rien que ça, c'était ça. Mais on essaie d'avoir plein de profils très différents. Une fois, on a reçu quelqu'un que j'avais croisé dans la rue qui me parle. Genre, il était trop fun. Et il commençait à me parler un peu de sa vie, de ses voyages. Je fais waouh, t'as l'air trop cool et tout. J'appelle Marie et si elle est ok. Mais moi comme je suis tout le temps ok. Voilà, c'est vraiment très simple de me convaincre. Il est sympa, tu viens? Je fais oui. c'est un connard. Bon bah du coup non. Hein, mais oui, on s'est rencontrés en Thaïlande il y a des années et j'ai fait vraiment le. Hey, t'es Maximus K. Le Vélib. Et voilà, donc faites-le beaucoup, faites-le avec tous, vous deviendrez amis avec. C'est pas vrai. Mais parce que vous parlez d'auberge de jeunesse, est-ce que vous. Alors Maxime, on le sait un peu parce qu'on a vu tes vidéos, mais vous êtes des gens qui couraient après ça, les voyages comme ça en groupe, faire des nouvelles rencontres. Parce que moi, quand tu me dis voyage par exemple, moi c'est vraiment un hôtel avec les pieds dans la mer par exemple. Tu vois, je suis pas quelqu'un. je suis pas un aventurier. Alors, vous avez cet amour-là, ce goût de l'aventure. On est un touriste. Moi personnellement, je kiffe de ouf. Mais c'est aussi juste financier. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas. D'ailleurs, j'ai fait découvrir à Maxime les chambres à 3 euros parce que moi, je voilà, j'avais pas les sous de me payer un hôtel. Et puis ouais, quand tu voyages vraiment, enfin moi, je voyage toute seule, le célibat et des amis moyens. C'est faux. C'est bon. Bref, je suis intermittent, faux, je donc je peux voyager dans oui. l'hiver. Enfin, vous voyez. Bien c'est sûr, bien l'idée. Sûr. Merci. J'aime mes amis. C'est cool de pouvoir rencontrer des gens comme ça parce qu'en auberge de jeunesse, tout le monde peut parler à tout le monde. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours, quand je pars un mois, deux mois, il y a un moment où je fais, j'en ai marre en fait de vous raconter ma vie. Ouais. La vôtre ne m'intéresse pas. Laissez-moi lire un livre tranquille. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et toi, Maxime, tu moi, ça a un peu évolué. Au début, ouais. je voyageais un peu pareil, tranquille, sans trop de sac à dos et tout. Ouais. Et en fait, j'ai découvert les joies du voyage tout seul, mais sur un truc. Enfin, je devais pas voyager tout seul, et finalement, j'ai eu une embrouille de potes qui a fait que le deuxième pays que je devais faire, je devais le faire avec les copains, et je l'ai pas fait avec les copains. Donc, Tourista, le podcast des gens qui s'embrouillent avec leurs potes, visiblement. Toi dans le passé et Marie dans le futur, c'est super intéressant. Et en fait, ça m'a fait trop de bien. C'est un voyage qui m'a fait vraiment trop de bien de voyager tout seul, parce que c'était quelque chose qui m'angoissait vraiment et qui était vraiment impossible pour moi. Je devais passer 15 jours au Vietnam tout seul et tout. Et ça m'a libéré plein de trucs, parce que j'ai dû aller à la rencontre des gens, voyager, suivre des gens que je connaissais pas, qui avaient une façon de voyager différente de la mienne. Donc ça m'a vraiment ouvert les trucs. On a pris le bus pendant 10 heures au lieu de prendre, moi à l'époque je prenais l'avion pendant une heure et tout pour les distances et tout. Et bref, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. D'ailleurs, derrière, j'ai fait une petit micro. Non, vous avez tout bien. Adrien Caffin. J'en ai fait une série de voyages. J'ai fait une série. L'année d'après, je suis parti au Vietnam faire une série qui s'appelait Max et Jaco, où je montrais ce que c'était de voyager tout seul avec son sac à dos, c'était de rencontrer des gens, etc. Donc bref, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, qui est important dans ma vie, et c'est pour ça que maintenant le voyage, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, je trouve que ça apporte beaucoup aux gens, ça te permet de grandir et tout ça. Ça a changé un petit peu vos personnalités. Typiquement, moi, je sais que je ne suis pas très sociable, par exemple. Donc moi, j'ai fait qu'une seule fois un voyage tout seul dans ma vie, c'était Los Angeles, donc autant vous dire que c'était pas l'aventure. Ouais. Mais par contre, ça m'a fait également beaucoup de bien de me retrouver tout seul et de parler des gens qui en plus, moi j'aimais bien parce que c'était une autre culture mais que je connais quand même. Et ça, du coup, c'est vachement intéressant parce que tu connais de loin et là après tu parles à des gens, donc t'as quand même leurs rêves, leurs trucs, leurs machins, mais tu connais pas leur life, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça. C'est rigolo parce que moi, c'est vraiment l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que à la base, je suis très, enfin, je suis à l'aise socialement et j'aime bien rencontrer plein de gens tout le temps. Et de partir toute seule. Moi, j'ai vraiment pas réfléchi. C'était pas un truc de ouais, faut que je parte toute seule parce que machin. C'est juste, j'avais envie d'aller là-bas à telle heure, tel endroit, et donc il y avait que moi qui me suivait. Et ça m'a fait kiffer le temps seul parce qu'en vrai de vrai, oui, tu rencontres des gens tout le temps et tout, mais d'avoir des moments vraiment où tu fais 17 heures de bus avec tout juste toi-même, ça m'a fait vraiment kiffer le d'être seul. Ah, c'est super. Voilà. Super. Toi, Julien, il y a eu un voyage comme ça qui t'a marqué dans ta vie, un truc que t'as kiffé, un pays que t'as découvert, quelque chose. Non. Je suis parti quand j'étais au lycée, je suis parti à, alors ça s'appelait Leningrad à l'époque. Ah. Ça s'appelle Saint-Pétersbourg. Je suis parti j'ai fait russe langue vivante 2. D'accord. Et je savais même parti, pas que tu pouvais l'apprendre en langue vivante 2. Tu peux à son ça. Époque. Ouais. Ouais. Oui, voilà. Et on est parti en voyage de classe, ouais. quoi. Donc en bus. Non, en avion quand même. Non, en avion, ouais. Ah oui, ouais. Quand même, j'ai eu peur. Et c'était un échange de avec une correspondante russe, machin. Et d'accord, tout. Ok. Et c'est la Russie à l'époque. En ce moment, ça a moins bonne presse. Ouais, moins. Mais ouais, à l'époque, c'était cool. Ouais, c'était moins une destination cool. privilégiée. ouais, c'est ça. Non, mais c'était vraiment incroyable. Et Mayotte aussi, qui est la France. Bien sûr, mais c'est un endroit que t'as kiffé. Ouais, j'ai fait un reportage à Mayotte, il y avait des émeutes de la vie chère quand j'étais journaliste là-bas. Ok. Il y avait aucun journal métropolitain qui était parti là-bas, donc c'est du coup fou. J'ai dit, j'y vais. Bien joué. T'es Tintin, en fait. Et c'est incroyable, Mayotte, c'est ouf. Je veux dire, t'es Élise Lucet, mais ça... bon, chacun ses rêves. Okay. Des chercheurs ont trouvé une nouvelle façon. Bien joué déjà. Ouais. Leur but, c'est vraiment leur métier. Hein. Enfin, non, leur métier, c'est de chercher. C'est vrai. Ouais, trouver, c'est pas normalement, normalement, le trouveur. Ils ont une petite. Oui, c'est ça, un peu d'argent en plus. Ils ont trouvé. Ils ont une prime. C'était le mot que je cherchais. Non, une nouvelle façon. J'ai senti. T'as vu, j'ai glissé. Mais... Donc, des chercheurs ont trouvé une nouvelle façon de dépister le cancer. Les à chiens. Votre avis, laquelle? Alors, pas les chiens, mais c'est vrai que les chiens reniflent. C'est un animal. Singe. Qui renifle. Si le singe se barre avec ta queue, c'est que ça l'a. Mais, cancer de la prostate. Mais cela dit, le chien, effectivement, ça existe. Ouais. Le seul problème, donc c'est l'article en parlait, le problème du chien, c'est que ça dévore la tumeur parce que c'est savoureux pour eux, l'équivalent d'un frolic. Non, en gros, c'est très long parce qu'il faut entre 6 mois et 1 an pour apprendre au chien à retrouver ça, quoi, à découvrir le cancer, à dépister. Et très coûteux, apparemment, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Des souris? Pas des souris. Des rongeurs ou pas? Pas des rongeurs. Des mammifères ou pas? Non, alors là, je te le dis, droit dans les yeux, pas des mammifères ni des reptiles. Des poissons. Pas des poissons. Des oiseaux. Pas des oiseaux. Des insectes. Une sorte d'insecte. Non, des vers. Ah non. Des limaces. Non. Te mettre des rien va dans le cul, je le dis au cas où. Des petits papillons. Pas de petits papillons. Des genres d'insectes. Des lucioles. Quelle horreur, t'es un petit papillon qui se pose sur toi. Oh mon dieu, ça j'ai le cancer. Plus rien n'est mignon. C'est des lucioles, si elles s'allument, c'est que t'as le cancer. Un insecte mignon ou moche? Pas, fourmi. Je veux pas juger. Oui, c'est vraiment d'autant qu'Adrien a dit la bonne réponse, qu'il s'agit des fourmis. Ah. Les fourmis peuvent apprendre à flairer des cellules humaines cancéreuses, comme les chiens, mais bien plus rapidement. C'est ce qu'avance une étude qui propose de creuser cette piste pour le dépistage précoce des tumeurs. Des expérimentations ont récemment démontré la performance de l'odorat canin, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les chiens. Mais apparemment, en tentant l'expérience avec des fourmis, l'insecte utilise son puissant odorat dans des tâches quotidiennes et est doté d'une capacité d'apprentissage rapide. Avec des scientifiques du CNRS, de l'Institut Curie et de l'INSERM, il a choisi l'espèce la plus commune, Fornica musca. Fusca, pardon. Fornica. Wikipédia. Fornica musca. C'est ton nom latin. Répandu dans l'hémisphère nord, qui n'est pas considéré comme menacé en France. Bref, en laboratoire, les insectes ont été soumis à des protocoles dits d'apprentissage. Et apparemment, sur les tests qu'ils ont fait sur des rats, par exemple, les fourmis se sont dirigées vers des animaux qui ont des cancers de l'ovaire, par exemple, pour voir si les fourmis arrivaient à les distinguer, tout simplement. C'est dingue la nature. Hein. Mais en tout cas, c'est pas fait encore. Eux, ils veulent plus de sous pour étudier on gratte et puis ça veut du pognon. Nous sommes avec Julien. Et Julien, à ton avis, puisque tu as été médecin, tu as travaillé dans la médecine et tu as la chaîne la DTC. Santé. Est-ce que tu sais ce qu'est le pica? Oui. Ah, alors est-ce que les gens autour de la table savent qu'est le pica? Ensuite on demandera à Julien. C'est le cri d'un fameux Pokémon. Régalez-vous, les geeks. Il y a de l'otaku. Il y a de l'otaku dans les ondes. C'est très efficace ou quoi? Non mais bon. On dîne le badge. C'est des rêves de Pokémon. Il est jaune. Le personnage est jaune. T'es allé dans le plus. Les gens l'ont. Oui, bien sûr. J'étais amoureuse de Sacha quand j'étais petite. Bref. C'est marrant. Moi, je trouvais Ondine sexy. C'est dingue. Ondine, c'était la rousse qui avait le badge haut. Je la trouvais pas mal. Un jour, en pixel, une anecdote. Le jeu sur Game Boy ou le dessin animé? Non, le dessin animé. Non, en pixel. Imaginatif. C'est une catastrophe, mais pas jusqu'au pixel. Je suis pas allé jusqu'au pixel. Marie, t'as dit quelque chose? Oui, du coup, le dessin animé, j'étais toute petite et on m'a fait croire que Sacha venait. Marie, il y a Sacha qui vient et tout. Et j'avais. Genre, c'était mon crush, quoi. Du Bourg-Palette, en plus. C'était un dessin, donc j'étais un peu con. Et je me suis cachée sous une table en mode. Il y a Sacha qui va arriver. Et il est jamais arrivé. Il était beau gosse, Sacha. Moi j'ai été jaloux de Régis parce qu'il se tapait Ondine hein. Et j'ai été jaloux d'un passage de dessin animé tout simplement. Tour de table, crush de dessin animé. Ah, de dessin animé. Parce qu'on l'avait dit la dernière fois, il y avait eu du Jessica Rabbit. Classique, mais bon, plus original. Des 4 sizes. Mais je me souviens plus laquelle. J'avais dit Vera de Scooby-Doo. Vera de Scooby-Doo. Attends, Vera. C'est celle qui a les lunettes. Les grosses gouttes. Ah, mes lunettes. Alors, d'abord les lunettes, mais effectivement, elle a également des gros. Celle dans Docteur Gadget, dans Gadget, Inspecteur Julie. Gadget. Julie. Ah, t'étais enfant, bien sûr. J'étais sapiosexuel. Sophie. Exact. Ah oui, Sophie. Oui, c'était une enfant. J'étais sapiosexuel. Bah oui, c'était enfant aussi. Bah oui, alors. Mais quand même, ça me met mal à l'aise. Bah donc Julien, ton choix woke de dessin animé sexy. Mais non, mais je vois pas. Nemo. Doris, non. Doris, elle a pas de mémoire, donc ouf. T'en profites pour moi. T'abuses de Doris. Ah, j'avoue, non, c'est un move moche. Non, moi j'étais amoureux de vraies meufs dans des séries. Ah bah genre, dans le qui Erin Gray. C'est dans quoi? C'était Thierry dans... Lafronde. C'était... Moi, j'étais amoureux de la fronde, tout simplement. Non, non, c'était dans Flash Gordon et, et Ricky ou la belle vie, Silver Spoon en anglais. Bien sûr. Ah. Voilà, il n'y a que les... Face to face. Bah, around je connais pas les paroles. Non, c'était, c'était pas Flash Gordon, c'était Buck Rogers. Pardon. Oh, pas mal. Non, mais ouais, si on va dans les séries, oui, moi il y avait Rachel de Friends. Bah oui, évidemment. Ah ouais. Quand, bah, quand ils ont, quand elle avait des, quand il y avait la clim et qu'on on la voyait un tout petit peu darder des tétons. Bah, ça va, dis donc. Non, mais dans c'est connu. Roulette, ça a dû y aller là. Et oui, les gens ont les gens se souviendront de Friends du moment où Jennifer Aniston dardait un peu des tétons mais parfois dans certains mais épisodes. Dardait très régulièrement. Merci Julien, Aniston. Parce qu'Adrien mais peut c'est passer juste pour que un oui, mais il y avait pas de professionnel. Des soutifs. Bah oui, non, mais c'était ça. Je moi, je n'ai pas premier degré. Il faisait sûrement très froid dans le studio. Elle porte aussi des sweatshirts. Et moi, j'adore les filles en sweatshirt. Et je crois que ça vient de Friends au départ. Quoi. Et aussi, dans les films américains, ils avaient elles avaient les chemises à carreaux de leur mec. Ça, je trouve ça très sexy aussi. Ah, ouais. Moi, j'avais un crush sur Spike de Buffy. Bien sûr. Il essaie quand même de la violer un moment. Donc, je pense qu'il y a un truc à résoudre. Mais pas déconstruit. Exactement. Mais attends, t'es un ennemi ou un allié? Non, j'ai un allié. Je me posais la question. Bien sûr. Alors, à la base, on parlait du Pika. Voilà. Ah oui, putain. Et après, je me demandais quel Pokémon vous baisez. Non, le Pika. Le Pika, alors attends. Est-ce que c'est tout simplement une mèche. Contraction de pipi et de caca? Le terme scientifique. Allez, sans mes doigts. Alors, putain. Le client a on fait avait pika. Dit caca. Qu'est-ce que ça veut dire du pipi et caca? En même temps, il y a un pika. Votre mère souffre de pika. Elle souffre d'un pika très sévère. Elle a fait pipi sur son caca. Ouais. C'est du pipi mélangé avec du caca, tout simplement. Non, on s'est bien. On a bien repris la ligne éditoriale. Pour rester sur ça, je pense. J'ai bien aimé la voix du docteur. Bon. Je vais peut-être vous êtes avec des termes techniques. Excusez-moi de jargonner un peu. Mais m'arrêter si j'en fais un terme que vous ne comprenez pas. Bon, imaginez cette bouteille d'eau, bon, c'est du pipi. Ouais, mais c'est du pipi et cette pomme, c'est du caca. Bon, bah, voilà. Je mets. Voilà. Je mélange, je fais un petit. C'est ça le pika. Bah, c'est du pika. C'est ce qu'on appelle le pika. Ça va un peu cher. Mais je veux pas connaître la vraie raison. Hein. C'est ouais, bon, non, non, alors. Si, attends, convaincu. Si, pika, alors c'est lié à un trouble alimentaire. Voilà. Eh ben. C'est quand tu manges du pipi. Du caca. Non, mais je sais pas. Un trouble alimentaire. Voilà. La digestion. J'ai une confession médicale à faire après. Oh, mais là, je la mets de côté. Je la remise par devers moi. Maxime, une idée. Pika, trouble alimentaire. Non, non, en plus, c'est difficile parce que. Est-ce que c'est quelque chose. Donc, on mange des trucs bizarres ou pas du tout? Oui. Ça peut être ça. Est-ce que c'est manger des cuticules, enfin, c'est manger des cheveux, manger un truc un peu chelou, alors, un truc qui se mange. Je sais pas si ça rentre vraiment dans le terme pika. Non, je crois pas, parce que c'est assez large. Ça, en fait. Est-ce que c'est des gens qui sont très difficiles ils sont piqués. Il y a trop de sucre. Est-ce que vous pouvez l'utiliser dans une phrase? Parce que là, c'est. Ah oui, non, on est atteint de pika, quoi. Oui, c'est le nom d'une maladie, en fait. Ouais, c'est une maladie. Ouais, c'est ça. Le pika, c'est une maladie. C'est un trouble. Un trouble, ouais, c'est il souffre du comportement de pika, alimentaire. On dit je souffre de pika. C'est ça. Pas au sens classique du terme. Oui. Ok. C'est que moi, je veux dire les gens qui aiment qu'un certain truc. C'est ça. C'est pas que d'une couleur. Qui digère qu'un truc. Non, ils ne digèrent pas qu'un truc. Mais est-ce que c'est psychologique? Alors, de ce qu'en dit l'article, mais je laisse Julien peut-être. Mais oui, apparemment, c'est psychologique. Oui. Alors que tu dis je ne peux manger que des aliments bleus, enfin c'est ça c'est tu clés YouTube. Je sais pas mais oui c'est pendant un mois. Pendant un bon mois. Non mais je vais vous dire la réponse. Apparemment le pika c'est l'envie de manger l'immangeable. Ouais, c'est de manger vraiment n'importe quoi. Potentiellement. Putain, que mais il y a des du pipi, pipi mélangé avec du caca. Non, c'est mangeable. Ça pourrait alors c'est mangeable. Ah ça donc c'est quoi de l'acier des cuillères, des fourchettes. Il y a des gens qui font ça hein. Ah ouais, j'ai toujours la télé, l'émission Guinness et tout. Il y avait un mec qui mangeait des avions. Il y avait un mec qui a mangé un avion avec Sophie Favier et Christian Deschavannes. C'est vrai, je me rappelle de ce mec-là. D'ailleurs, vous vous souvenez du mec dont on parle du Guinness? Le mec avait les ongles les plus longs du monde. C'est vrai, c'est la Saint-Patrick. Comment? Le Guinness Saint-Patrick. Ah, Saint-Patrick. Oui, c'était pas une meuf, moi, c'était une meuf qui avait des ongles très très longs. Bah non, moi, qui faisait moi, des ronds. C'était un indien, il avait une grosse barbe aussi. Des ongles. Avec les cheveux hyper longs. Il y avait le mec très très très grand aussi qui avait des grandes oreilles. Non mais c'est il était juste... dans plein de... Oui bien sûr, Robert Wadlow. Bah, ça va. Robert Wadlow, l'homme le plus grand du monde. Parce qu'il avait soif. 2m72. Ouais. Robert Wadlow parce qu'il avait soif. Oui. Non mais elle est bien. Il ouais. Wadlow quoi. En tout cas, le mec Wadlow, c'est Wadlow. Oh. Bon, il s'est coupé les ongles, voilà. ça l'anecdote. C'était ça. Il a dit j'en ai marre, je me les coupe. Ah, et les ongles. Non, mais attends. Ouais. Il a, et sa main est handicapée à vie à cause du poids des ongles. Ah, oui. Donc il a une main toute tendue comme ça. Mais c'était qu'une main. Mais donc il a quand même une main. Bah, c'était à gauche. Bah, sinon, vraiment, c'est pas celle de perdre. Déjà. Bah, moi, déjà, tenir sa teub et tout. Il y a un truc de. Non, mais déjà, enfin, ça doit déjà être tellement chiant. Dès qu'on te propose de faire un truc, tu fais. Non, mais. Oh non, j'ai mes ongles. Ouais. C'est chiant, quoi. C'est une cinéma, ouais, tu prends deux places dans l'avion et tout. Ouais. C'est un truc. Là, en gros, il parle effectivement, c'est des éléments non comestibles comme la craie, la boue, le métal ou la roche. Pour nos familles et nos proches, d'ailleurs, hein, c'est gravé dedans. Ce comportement alimentaire est souvent relié à l'autisme, apparemment. Et il n'existe aucun traitement. La psychothérapie est alors conseillée. Voilà. J'ai vu une vidéo, alors ça va peut-être vous dégue, d'une meuf. Oh là. On est un peu délicat. Alors c'était sur TikTok. Mets un petit trigger warning. Non, ça va. Bah. Mort, bon. Elle a commencé à grailler les cendres de son mari et elle a pas réussi à s'arrêter. Ah, c'était trop bon, genre. Elle a ingéré son mari. Elle le voulait, ouais. Et tu la vois, elle lèche son doigt trempé, elle met son doigt dedans. Comme, comme ça contre ses gencives. Est-ce que ça fait comme un. Le de ton mec là entre les. Ouais, bon, ok. Est-ce que ça fait comme un Fritzy Pazzi un peu? Ou ça pétille sur la langue? T'as pas la rêve du Fritzy Pazzi? Si, c'est bon. Ça va, je. Ça va maintenant. Ouais. Mais c'est comment Keith Richards qui les avait sniffés, les cendres de son père. Ah oui, c'est vrai. Enfin, c'est la légende, je sais pas si il l'a fait, mais il aurait sniffé les cendres de son père. On peut faire plein de choses, on peut presser des vinyles avec des cendres. Oui, j'ai eu ça. Ah ouais, ouais. Ah, on peut aussi les disperser et perdre les codes GPS et ne plus savoir. On peut faire même une Big Lebowski, si tu te souviens. quand on a dispersé les cendres de feu, notre père, dans la. Pas la peine de dire feu, a priori, si on a dispersé les cendres. Alors malheureusement, il était vivant. Quand on a dispersé ses cendres, c'était. Il fumait énormément, c'était vraiment les cendres de sa gauloise qui... Il a dispersé pas mal de cendres dans sa gauloise, c'est vrai. Et on l'a dispersé en forêt. Et vraiment, on en avait plein les pompes, comme dans Big Lebowski quand tu t'amènes. Et là, ça rigole ou alors ça. Oui, ça rigole. Ouais. Oui, ah bah, tu m'étonnes. Ah bah, oui. Mais on a vraiment perdu les coordonnées GPS. Et il y avait quand même je crois que c'était le seau ou une pierre. Je te rappelle pas, il y avait un gros truc solide dans les cendres. Quand on a renversé l'urne. Il y a les cendres qui sont tombées, à un moment il y a un gros bout qui est tombé qui a fait je me rappelle plus. Oh putain, c'est une vertèbre. Ah non, je me rappelle plus de ça. Ah si, je me souviens. Dans les maladies. Vas-y, pardon, oui, excuse-moi, j'ai fait oublier effectivement ce que t'as mis de côté. Confession... Mais oui Confession médicale. Docteur Guigui. Oui. J'ai envoyé mon fils chez le docteur Guigui. Oh la vache. Avant. Attendez, remettons le contexte. Bah oui, quand j'ai entendu dans le flot de cas, j'ai dit attends, je vais envoyer le gamin pour voir ça. Rappelons que le docteur Guigui, c'est. On peut y aller, d'ailleurs, vous êtes plus en procès avec lui. Non, ça va, tout va bien. C'est une des icônes de ce podcast. En fait, c'est un ophtalmo qui avait une très mauvaise note sur Google Avis. Et les avis sont. Bon, déjà, il s'appelle le docteur Guigui, ce qui est quand même un peu marrant. Et il a des avis toujours horribles de gens qui disent il m'a fait extrêmement mal. Il est arrivé avec 3 heures de retard. Il m'a mal parlé. Il parle mal aux gens, il se lave pas les mains. Depuis, je ne vois plus de l'œil gauche. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de messages autour du docteur Guigui. Et donc, toi, Julien. Et donc, ouais, j'avais envoyé mon fils, mais parce que c'était mes trucs classiques. Enfin, toi, j'ai. Honte à moi, parce que je devrais me méfier de ce genre de truc. Ouais. Un ophtalmo avec des rendez-vous aussi rapidement. Bah oui. Bon. C'est comme ça qu'il opère le docteur Guigui, parce que sur Doctolib, tout est vert. Je sais pas si vous utilisez Doctolib, il a tout le temps des dispos. Voilà. Mais donc, souvent les gens d'ailleurs, dans les avis, disent on est arrivé, on a attendu 3h30. Ouais, enfin, c'est ça, non seulement a priori, parce que alors, le pire c'est que j'ai envoyé mon fils là-bas, mais j'étais même pas dispo pour l'accompagner au rendez-vous, donc il y allait tout seul. Et il arrêtait pas de m'envoyer des messages en mode je sais pas ce que je fais, j'attends, y a personne, machin. Ils m'ont mis des gouttes pour faire un fond d'œil, donc pour dilater. Ils m'ont dit. Allez faire un tour, revenez dans une heure. Mais, une heure. Mais il voyait rien, donc il m'envoyait des messages. Il avait 2 ans. Non, je sais plus. Il avait 16 ans, un truc comme ça. Okay. Il m'envoyait des messages dans la rue, des SMS avec plein de fautes dedans, tu sais, comme des SMS de bourré parce qu'il voyait pas. Il disait je vois plus rien, je sais même pas si je vais. Et il l'a vu une minute. C'est-à-dire qu'il a été pris en charge par les assistantes et machin et tout. Il l'a vu une minute. Le mec il a fait vous avez besoin de lunettes, il a fait une ordonnance. Et en vrai, le plus drôle avec le docteur Guigui. Il est cher, hein, le docteur Guigui aussi. Il est cher en plus. Il est cher. Et moi, j'étais allé chez l'ophtalmo, enfin chez l'opticien, je lui avais dit. Donc c'était pour moi là pour le coup. Et je lui ai dit, ouais, vous avez un ophtalmo à me recommander, machin et tout. Et là, le mec, donc c'était un opticien du quartier, me donne une carte au dos de laquelle il y avait tous les opticiens du quartier qui étaient marqués. Et il me dit, alors, bah, vous avez tout cela. Et il fait, attendez, pardon. Il prend un stylo et il barre Dr Guigui. Ah, c'est ouf. Et il dit, non, pas lui et tout. Je fais, ah ouais, non, parce que j'ai envoyé mon fils chez lui et tout. Et le mec m'a regardé. Genre, ah, mais, bah, j'espère que vous lui avez dit que vous l'aimez. Non, mais du mépris. Il m'a regardé, ouais. Il a fait. Très mauvais père. Voilà. Donc je confirme par l'expérience. Tu l'as testé. Je connais quelqu'un chez Doctolib. Vous voulez que je fasse un truc? Elle a le bras long. Ah, non mais en fait c'est ça qui est rigolo, c'est que Space Jam ou quoi? Dans les avis, beaucoup de gens disent il faudrait appeler l'ordre des médecins machin et tout. Mais bon, apparemment c'est pas si simple quoi. Mais ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir les avis du Dr Guigui. Il faudra qu'on se refasse un de ces quatre. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Toujours dans les maladies un peu surprenantes, est-ce que vous savez ce qu'est la potomanie? Bien sûr. Oui. C'est boire de l'eau tout le temps. Bien. Des liquides, ouais. Ou que de l'eau? Alors je sais pas, ouais, si c'est tout type de liquide. C'est de l'eau. Ouais. Ah ouais? Non, oui, non. Alors ça s'appelle l'alcoolisme. Non, mais genre. Cela dit, l'alcool, comme tu dis, c'est de l'eau au final. Bah, oui. c'est plutôt de l'eau. Mais Oui, c'est ça, c'est caractérisé par un besoin incontrôlable de boire de l'eau abusivement, apparemment 10 litres ou plus par jour. La pathologie est souvent d'ordre psychiatre et porte la. Psychiatrique, oui, c'est mal écrit. C'est d'ailleurs la Saint psychiatrique aujourd'hui. La pathologie se présente également chez les personnes atteintes de diabète ou de troubles rénaux. Or, l'organisme l'acteur. N'est pas Jean, je l'ai. Ah, j'étais sur Fernand, quel ringard. Ah. Putain. Ce comportement peut avoir des conséquences graves pour la santé et peut même entraîner la mort. L'hypertrichose, ou trichose peut-être. L'hypertrichose. L'hypertrichose. Ouais. Est-ce que vous le savez? Mais... Attends, donc ce que c'est l'hypertrichose, c'est ça? C'est quand tu peux pas t'arrêter de confectionner tricoter. Des pulls. Quand tu as énormément de chandail. Non, attends. Tricot, c'est pas les cheveux? Tricolo, c'est quand tu laisses tes cheveux pousser, tu ne peux pas couper tes cheveux. Alors, c'est pas vraiment ça. Non, tu as des cheveux partout sur le corps. Ah, c'est des plus poils. Ça, c'est plus ça, mais oui, on peut l'accorder. Tu as des poils sur les paupières. Mais il est fort, non, mais c'est ça. En fait, tu as un développement excessif de poils partout, ça pousse partout. Sur certaines parties, voire l'ensemble du corps. J'ai un ex qui avait ça. Mais vous avez déjà vu les photos de gens qui ont vraiment des poils, des cheveux sur le. Celui qui a la caractère fort dans Star Wars, là. De quoi? Bah, c'est ça. Chewbacca. C'est énorme. C'est le seul le mec. Si, t'as le tenté. Mais alors ici, personne ne jugera sur l'imitation. Hein. Ah, ouais. Alors ça, sache-le tout de suite. Hein. C'est pas ici. Ah, le mec qui jouait Chewbacca avait la même maladie que Robert Wadlow. Ah, il était très très grand? Ouais. Ah, ouais. Il avait soif, pardon. La maladie des géants. Potoman, mais l'inverse. Donc, ouais, c'est un phénomène qui peut être dû à un dérèglement hormonal, à des facteurs héréditaires ou à la prise de certains médicaments. Des recherches, ont révélé que les populations méditerranéennes étaient plus touchées par ce syndrome. Voilà. Moi, je prends les poils directs. Hein. C'est comparé les deux maladies là. Oui, bah ouais, je prends les poils, parce que faire pipi la nuit et tout là. Moi, je le fais déjà de toute façon. Donc, ah ouais, tu te lèves déjà? Combien de fois? Une fois. Une fois, ça va. Pour pisser? Pour pisser? Petit tour de table, qui se lève pour pisser? Jamais. Non, moi jamais non plus. Ah ouais, putain. Moi j'essaie vraiment d'y aller vraiment dernier moment avant que mes paupières se ferment. J'ai un duplex moi. Et après, une fois. je peux me retenir très longtemps. Ah c'est impressionnant. Je vous le dis. Je veux pas me survendre, mais sachez-le. J'ai déjà pissé dans une bouteille. Parce que tu pouvais. On parlait de McFly qui fait ça du coup. McFly fait ça, McFly du célèbre binôme, McFly et Carlito. Il dort avec une gourde dépliable pour pisser dedans. Adulte ou il faisait ça enfant? Non, là, quand on parle, il doit être en train de faire. Pourquoi pas réveiller sa femme? Allez, on l'appelle au hasard ou pas? On l'appelle au hasard. On lui demande son numéro de carte bleue. Je suis sur les avis du Togigi, ça n'a pas bougé. Hein. Une usine Afrique, des mesures prises par la standard artiste, des stagiaires pour faire le bilan orthopique. Une honte et le tout pour 90€ sans mutuelle. Bon bah écoute, voilà, tout va bien. À fuir, moins de 10 minutes de consultation. Bon bah voilà. T'as des connards qui lisent pas les avis. Voilà. Il faut lire les avis, il faut toujours lire les avis. À Mayenne, un homme a été arrêté entièrement à poil. Qu'était-il? Ma foi, jusque-là, rien de bien surprenant. Qu'était-il en train de faire? Invoquer des esprits. Non. T'es en train de... Attends. Une vidéo YouTube? Non. Tu veux dire un défi? Je crois qu'il était en train de... Putain, j'ai oublié le terme. C'est con, j'avais une super... Ah banane. Merde, on sentait qu'elle était vraiment bien partie. Je vais la laisser là-bas, là. Tout simplement. Elle était en transformation physique. Il était en train de s'exhiber. Alors, tout simplement. Du coup, oui. Alors, cela dit, selon l'article, il n'était pas à poil dans le but de se montrer. Il n'avait pas le choix que d'être à poil parce que il était en train de s'enfuir. Alors, est-ce qu'il partait de chez quelqu'un et il a dû partir vite. Comme dans Red Rocket. Ou Gilles oui, bien sûr. Après un date. Alors, selon l'article. Selon l'article, c'est juste que c'était quelqu'un qui a des petits soucis mentaux, enfin tu vois, qui... Bah oui, s'il était tout nu, mais je l'ai parce qu'il était à poil, mais je l'ai, la bite. J'ai pas rigolé, pas que manteau, mais je l'ai pris dans la bouche. Il y avait des soucis, soucis vêtements, vêtements. Donc non, donc il était juste à poil parce qu'il était un peu foudingue, disons. Voilà, donc c'est la réponse. Non, non, parce que ce qu'il était arrêté, c'est qu'il faisait quelque chose. Parce qu'il pensait que ses vêtements étaient en feu. Non, non, non, il ne dansait pas. Un discours. Il courait. Ses vêtements étaient possédés. Ah non. Il pensait... c'est pas lié au fait d'être à poil. Hein. C'est vraiment une autre activité. Mais le fait d'être naturiste. Non, c'était pas genre il pensait que c'est le week-end naturiste dans le village. Ah non, lui il a pas. Le fameux week-end naturiste de Mayenne. Mais est-ce qu'il faisait une activité totalement banale? Genre tonde sa pelouse. Oui, alors totalement banale. Oh là là, totalement. Il chiait dans la rue. Totalement banal, pas vraiment. Et parce que tu le ferais pas toi. Une activité totalement Tom. Non. Non. Okay. Non plus. La vache. Non plus. C'est une activité que toi tu ferais pas, mais qui est pas si folle en vrai, si je te le dis comme ça. Il bronzait. Sortir non. Le soir à poil. Ouais. Non, non, non. Il se branlait. Il allait chercher son courrier. Ça je le ferais. Non, il allait pas chercher son courrier. Un colis. Non. Chez DHL. Un gros colis. Je le fais aussi. Attends, il faisait un truc que moi je sais pas, qui nécessite d'être à poil. Pas du tout. Ah, pas du tout. C'est ça qui est surprenant. Oui, c'est qu'en fait, il faisait un truc. Il faisait. En fait, vous pouvez même enlever le côté à poil de votre cerveau. Il y avait la boulange. Ouais, voilà. Non, alors, c'est ce genre de choses. La musique, il allait au travail. Il était agacé par quelque chose. Ah. Il allait frapper chez ses voisins pour dire oh la musique là. Bah oui, enfin, mettez un froc. Je veux dire, on va baisser, mais enfin. Parce qu'en hasard, il était agacé par quelque chose. Attends, la question c'est qu'est-ce qu'il était en train de faire, pas pourquoi il était à poil. Il allait chez les flics. Qu'est-ce qu'il était en train de faire quand il était arrêté? C'est ça. Il allait chez les flics pour se plaindre d'un truc. Il y avait des chiens sur sa pelouse. Non. Des singes. Non. Il y avait la queue au supermarché. Il a laissé par une bagarre de singes. Les gars, merde. Vous n'êtes pas arrêté vos conneries. C'est plus vénère, genre en termes d'agacement? Ouais. Allez-vous bénir. C'est un agacement que moi je le ferais pas. Il allait se battre? Ah non, ah, non, moi je le ferais pas. Il allait pas se battre. Non. C'est un agacement de. Un truc pété. Comment, quoi. Il essaie de vous aiguiller, mais sans trop en dire. Mais c'était un rapport au bruit? Non, c'est par rapport à un truc qu'avançait pas. Place de voiture, voiture, pas en voiture. Place de scooter, non. Un truc qu'avançait pas. En vélo, tous les transports, ça marche. Vous pouvez tenter les transports, pas des travaux. Les bateaux. Le tram. Alors, par rapport à un tram et un train. Wow. Ah, t'y es presque. Ah, c'est un passage c'est un à train. Niveau. Il attendait le train était en retard et il avait chaud. Alors, je te l'accorde, Marie. Bravo. En gros, tu comptes vraiment les wimps ou pas? Non, c'est moi qui gagne pour l'instant. Il y a que des trucs sur la médecine. Il y en a un qui compte en tout cas. Ou la santé. Une attente qui n'a pas été du goût de tous les passagers parce qu'apparemment le train s'est arrêté en gare de Louverné. Certains, oui, apparemment. Certains ont kiffé. N'a pas été du bout de tous les passagers. Aux alentours de 17h ce mardi, un train a dû s'arrêter en gare de Louverné en raison d'une panne. Donc les gens ont attendu que le TER redémarre. Sauf qu'au bout d'un moment, un garçon âgé de 30 ans s'est présenté dans la cabine pour conduire le train entièrement nu. Oui, bien sûr, j'adore. Donc parce qu'il en avait marre, ça n'avançait pas. Il s'est dit écoutez, laissez-moi le volant. Est-ce qu'il avait son masque? Il avait même pas son masque. Ouais. Non, je crois que c'est bon, c'était mardi. Il avait que son masque. Non, c'est vrai. Les pompiers et les gendarmes sont donc intervenus auprès de cet individu très agité. Et donc effectivement, ils l'ont amené au service psychiatrique d'intervention à domicile. Voilà, parce qu'il s'était barré en fait, tout simplement, de cet endroit. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà. Mais il était quand même un peu sur les horaires. Savez-vous ce qu'est le SNUS et pourquoi il fait scandale en Scandinavie en ce moment? Ah, c'est parce que c'est vraiment un nom de syndicat, le SNUS. Non, oui, Non, non, c'est pas un syndicat. Le SNUS, c'est une maladie? Non. Attends, est-ce que c'est un. C'est une tendance. C'est des initiales ou pas? C'est une tendance TikTok. Tout n'est pas des maladies, oui, c'est oh là ça, là, ça, Julien. Tendance TikTok. Non, mais c'est une tendance en Scandinavie. Sont-ce des initiales? C'est un mot ou c'est un sigle? Ne sont pas des. C'est comme le SRAS? Non. Mais dans l'anus. En tout cas, c'est pas une association. C'est pas une association. C'est une activité. C'est un mot, quoi. Ça a l'air d'être un mot, hein, cela dit. Est-ce que c'est une activité, un passe-temps C'est un jeu. C'est un jeu. Non, c'est pas un passe-temps, c'est pas une activité. C'est comme le côté Scandinavie, peut-être. Le côté Scandinavie va pas vous aider, puisqu'à la base, ça vient de Suède. Okay. En gros, c'est quelque chose qui vient de Suède, mais qui fait scandale en Scandinavie pour son utilisation. Ah. C'est un truc à mâcher, c'est du tabac. Ah, alors, chiqué. Ça, c'est ce qu'est le snus. Voilà. C'est du tabac que tu mets sous la langue. Tu sais tout comme c'est une activité. J'avais un ami norvégien. Ok. On dirait une phrase d'un gars qui a dit un truc raciste contre la Norvège. Non, écoutez, j'ai un ami norvégien. Je fais des blagues sur Ikea, mais bon, j'ai un ami norvégien. Donc ça, effectivement, c'est le snus. Mais en Scandinavie, des gens utilisent ça de façon un petit peu problématique. Et pas problématique, genre, parce que je sais que tu es un allié, Adrien, oui, pas dans ce sens-là. Non, mais pour pimenter une fellation. Non. Est-ce que c'est un lien avec la coquin? Bah. Ouais. Hey, t'es un coquin. Il y a des muqueuses en jeu ou pas du tout? Alors il peut y avoir des muqueuses en jeu. Okay. Ah, dans le trou de balle donc. Entre autres. En sinus dans l'anus. Ouais, bah, c'est voilà, ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Alors c'est ça, mais pas que. En gros, la tendance qu'il y a en ce moment en Scandinavie, c'est de se coincer le snus, dans les petits sachets. Dans l'urètre. Entre autres. Faut savoir déjà que ce sachet de nicotine ou de tabac est interdit. Dans beaucoup de pays en Europe. Tout simplement. Mais là, en fait, les sachets sont enfoncés dans le prépuce. Mais après, la liberté ne s'use que si on s'en sert pas. Chez nous, c'est autorisé, on va se mettre dans le cul. La liberté ne s'use que si on s'en sert. Ouais, c'est ça. Une spécialiste de la santé a dit qu'elle avait rencontré un garçon qui lui avait raconté ceci. Alors, je fais tomber mon snus par terre. Écoutez, je suis spécialiste. Moi, je trébuche, mon pantalon s'ouvre, là, il me rentre dans le cul. Le train allait trop lentement. Ils étaient ivres et l'un d'eux a oublié de retirer le sachet de nicotine de son prépuce. Le lendemain matin, quand c'était il pas Freddy Gladieux du coup. Non, c'était pas Freddy Gladieux. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, son pénis était rouge, très gonflé et douloureux. En Norvège, un étudiant a confié à nos confrères de du site sur lequel je suis, de Vice, avoir également tenté l'expérience. Je m'ennuyais. Très bon début. Et j'étais sur le point d'utiliser un snus en me masturbant et la curiosité a eu raison de moi. Il était complètement sec, donc je n'ai pas ressenti beaucoup d'effet. Peut-être que ça aurait été différent avec un sachet plus fort et plus humide. Là, j'ai juste eu une sensation de froid à cause du menthol. Un autre consommateur. Ah oui, mais c'était un mentholé, bah oui. Bien sûr, le con aussi. Ah bah attends, tu m'étonnes. Un autre consommateur résident dans le pays a déclaré : j'ai essayé de mettre du snus dans mon anus une fois. C'est assez douloureux, après seulement quelques minutes. Mais mon envie de tabac a disparu, donc je suppose que ça marche. Donc le délire, c'est vraiment de se mettre des trucs. Dans du snus dans un truc qui rime en fait. C'est ça, c'est juste pour écrire une chanson. Toi, de toute façon, tu as dû. Non, jamais. C'était juste un ami norvégien. Non, mais en tant qu'infirmier, est-ce que tu as déjà eu une anecdote de quelqu'un? Des trucs dans le cul. Pas forcément que tu as vu, mais des choses. Ah oui, des anecdotes, ouais, il y en a plein les services d'urgence. Tu as traversé. Moi, j'en ai pas trop. Une radio. Les radios qui tournent, ouais. Non, des histoires de. Ah si, après, ouais. La réplique de. Attention. Il a déjà dit dans un podcast. Ah ouais. Oui, c'est vrai qu'il a déjà dit. C'était quoi? J'ai entendu la réplique du trophée de la Coupe du Monde de foot. C'est pas mal quand même. Alors, je crois que l'échelle n'était pas à. Tu vois, mais c'était quand même. Oui, passer le Cambrasse Zidane, justement. Et les internes qui chantaient là. Oh, ça c'est pas sympa. C'est pas bien. Ça me plaît. Moi je condamne personnellement. Ah, bien joué. C'est le coup de boule de Zidane, mais c'est pas le même boule. Ah oui. Vous vous souvenez de cette chanson Coup de boule? Bien sûr. Bah oui, non. Zidane, il a tapé. Tu sais pas? Ah, Coé, là. Non, Coé, c'était Zidane, il a marqué. Ah oui. Et après, vu qu'il avait mis le coup de boule, c'était Zidane, il a tapé. Coup de boule. Bien joué, mais ils sont réactifs, les gens. C'est sur internet, ça, non? C'était l'équivalent de Festival Robles. Mais ouais, c'est l'équivalent du même de l'époque. C'est Uniat pour moi. Tout bonnement. Addiction toujours, qu'a prévu de faire le Danemark pour lutter contre le tabagisme? Le snus dans la rien ne va dans le cul, rien ne va dans le prépuce. Alors en Nouvelle-Zélande, ils l'interdisent aux gens qui naissent après 2000, mais je pense que c'est on en a parlé. Non, mais alors, oui, Maxime, c'est peut-être Maxime, je te l'accorde, ah oui. Puisque c'est arrêté d'en vendre aux gens nés après 2010. Ah, voilà. Alors en tout cas, c'est ce qu'ils essaient de faire passer. Interdire à mes yeux. Tout bonnement et simplement le tabac à tous les gens qui sont nés après 2010. C'est courageux. Bah ouais, c'est fou. Ça va bien favoriser la contrebande. Bah je me demande, c'est la question que je me posais. On parle cigarette, on parle addiction. Toi Maxime, t'as fait une vidéo récemment qui cartonne. Attends, en plus, juste pardon, cette transition. Bravo, ouais, bravo. Bah, ouais. T'es bon, mais, regardez, non, mais t'es bon. Les gens sont croisés, hein, je sais pas si vous le voyez. T'es Drucker. T'es Michel Drucker. Ouais. Ouais, je suis un peu. Tu choisis. Je suis Drucker. Drôle. Là, là. Bah oui. Oui, donc t'as fait une vidéo sur ta consommation d'alcool. C'est une vidéo qui s'appelle J'ai pas bu pendant un an. J'ai arrêté l'alcool pendant un an. Est-ce que tu peux raconter un petit peu? Alors évidemment, on invite les gens à la regarder. Bien sûr, bien sûr. Mais ça vaut mieux que 1000 mots. Mais est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est? Alors c'est une vidéo où j'explique où j'ai un moment dans ma vie, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. J'ai essayé plusieurs fois de faire un mois et tout. Et là, je me suis dit, je vais tenter un an pour essayer de Parce que c'est très important dans ma vie l'alcool, et je voulais essayer de réapprendre à vivre sans. Donc je voulais passer un an pour faire vraiment tout ce que je faisais dans la vie où il y avait de l'alcool, de tester sans et de trouver des solutions pour m'amuser quand même et tout ça quoi. Enfin bref. Et en fait, donc en gros, la vidéo elle est en plusieurs parties. J'explique mon rapport à l'alcool et pourquoi je décidais d'arrêter. La deuxième partie, j'explique comment s'est passée l'année pour dire voilà, si ça a été facile et tout ça, et pour donner des clés à d'autres si par exemple ça pouvait donner envie à d'autres de faire la même chose que moi. Et à la fin, je dis la conclusion de tout ça, et j'explique, je donne ma décision, est-ce que je continue de boire ou pas. Ouais. Et spoiler. Oh, il spoil. Oh là là. À la fin, Bruce Willis. Je spoil pas. Tu dis. Ne spoil pas. Abonne-toi. Spoil pas. Tu dis ah oui, c'est vrai. Putain, mais je sais plus faire. Mais j'ai pas sorti de vidéo depuis 3 ans. T'es bourré ou quoi? Oh là là. Non, non, que les gens mettent la cloche. Ah non, parce qu'il a. Non, mais c'est une vidéo vachement intéressante. Ouais. Parce qu'en fait, ça sonne comme un défi. En plus, qui est. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qu'en fait qui m'a plu. Ça tourne bien. C'est ça qui m'a plu en fait, c'est qu'au début, je me suis dit, ah, c'est marrant. Orelsan. Alors, le même en l'occurrence. En l'occurrence, assez marrant le même. Oui, non, tu le tournes comme un défi et au final, c'est une excuse pour parler de toi. C'est la première fois que je parle d'un truc aussi. Ouais, de parler de tout. Deuxième fois, Maxime. Oui, c'est vrai que Draw My Life était aussi ça. C'était un peu une espèce de petite. Un petit cheval de Troie. Mais j'ai fait un Draw My Life où je parlais de ma dépression. Mais à l'époque, j'assumais pas vraiment de le faire en vrai. J'ai fait des dessins. Et là, sur la deuxième, je me suis dit, pendant 6 mois, je me suis dit, bon, comment je veux traiter le sujet. Et en fait, au début, je pensais interviewer des gens de mon entourage, des gens de ma vie, à différentes périodes de ma vie, mes copains des années étudiantes. On picolait à fond, mes copines, mes ex, mes copains avec qui j'ai fait la teuf. Je montre Julien à ce moment-là parce que il adore la Marie. Les gens ne l'avaient pas vu. Marie, si, j'ai une très belle anecdote d'ailleurs avec ta Marie. Oui, on s'est rencontrés un petit peu dans l'ébriété d'ailleurs. Mais oui, non, parce que j'ai fait un constat, c'est qu'à un moment. Voilà, il y a plein de gens, plein de rencontres incroyables que j'ai faites. Il y avait l'alcool au milieu, tout ça. J'ai plein de moments importants, cool. Mais aussi, il y a eu des moments durs et qui fait que moi, maintenant, à mon âge. Et puis, il y a aussi un truc d'addiction. Que bah moi quand je bute 2 verres j'ai envie d'en boire 10 quoi, donc au bout d'un moment il faut que j'apprenne à contrôler tout ça, et surtout ça me faisait chier de me dire en fait je me sers de ça pour plein de trucs, j'aimerais bien arriver à faire 100 quoi. Ouais. Donc c'était tout un truc de qui était challengeant en me disant bon bah merde vas-y va à un concert, amuse-toi sans avoir besoin de picoler, trucs comme ça. Bref, et donc je sais plus quelle était la question, mais oui, non, c'est mais la première fois que je faisais une vidéo un peu où je fais des blagues mais aussi je parle d'un truc complètement sérieux pour moi. Et dans un but vraiment de dire voilà, c'est un sujet qui est un peu tabou quoi en plus. Bah, donc, un petit peu ouais, quand même. Ouais. Donc moi je me suis rendu compte pendant toute cette année que ça a vraiment créé des conversations et que les gens étaient très ça m'a ouvert à plein de. Qu'est-ce qui va pardon? Dis. Non, je te regardais dans le vide. pardon, mais j'écoute. Mais non mais toi t'es pas concerné parce que je me souviens aux arcs. À 4h du matin, quand on fait la teuf, celui-là, il a pas besoin de picoler. Ah bah non. Et ah ça, bah non, je le voyais à l'époque. Et non, mais je le voyais. Non, mais je me souviens vraiment d'une fois où j'étais complètement sous, parce qu'on fait un festival on va souvent un festival de cinéma aux Arcs où c'est festival de cinéma européen. Voilà, exactement. Un super festival où il y a beaucoup de cinéma, beaucoup de ski et beaucoup de teuf. Ouais, ça. Et ben le petit Adrien, je veux dire que c'est le dernier sur la piste de danse. Bah ouais. Je suis un toffeur. Comment rajouter de l'alcool dans ce son où il y a que la danse déjà? C'est impossible. C'est impossible. Ouais, mais tu l'as dit, moi, tu sais que moi non plus, je bois pas d'alcool. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, alors je sais pas Adrien, mais moi des fois je reçois des messages de gens qui boivent pas et qui disent, enfin tu sais, des ados, tu vois, et qui se sentent parfois pas intégrés à des trucs parce que justement ils boivent pas. C'est assez intéressant. Vas-y Marie. Non mais c'est sûr, j'allais parler hyper prom dog de ça, l'alcool social, de si tu dis que tu bois pas c'est oh t'es relou. Ouais, bah, antibiotiques. Bah, ouf ou quoi? Oui, pourquoi t'es relou de norme, quoi? C'est juste parce que eux ça en fait ils se rendent compte de leurs propres problèmes sans vouloir voilà, je dénonce en fait. Attends, on parle sérieusement. Aussi c'est pas parce qu'on a parlé de pipi mélangé avec du caca qu'on est obligé de rester le pica. Du pica. Le pica, oui, bien sûr. J'avais un peu ça avec les gens qui avaient l'habitude de me voir en faisant en picolant quoi. Et là quand je buvais plus c'était en mode bon ah, mais là ce soir tu picoles un peu et tout, mais j'avais le fait de dire que je faisais un défi d'un an et de montrer ma putain d'appli où j'en étais à 100 jours etc. Les gens ça les calmait direct, donc moins ce côté donc ça c'est un vrai tuyau que des gens maintenant reprennent. J'ai vraiment beaucoup de retours et je suis très content. Enfin j'étais un peu stressé en postant la vidéo parce que c'est un gros dose pour moi, dans ma famille aussi ça a été des problèmes et tout, donc Mais j'ai des excellents retours et il y a plein de gens qui me disent merci. On me course dans la rue maintenant pour me dire merci. Je suis à deux personnes qui me courent dans la rue. Bref, donc non, c'est voilà. Donc, non, mais c'est cool, c'est que ça parle aux gens. Et ça parle aux gens et que ça. Enfin, en fait, et quand t'as des problèmes d'alcool, parce que bon, il y a eu des moments, dans les moments où ça allait pas, c'était un médicament, quoi. Ouais. Donc en gros, quand t'essaies de réguler ta consommation et que t'y arrives pas, et que le lendemain matin tu te réveilles et que t'es en gueule de bois alors que t'avais dit que t'allais pas boire la veille et tout, c'est quand t'as des gens qui ont eu des problèmes d'alcool et qui sont sortis de ça et qui en parlent, et ben ça, on s'accroche à ça. Enfin moi je sais que il y a des gens qui, enfin je sais qu'Aurel Sain, il en parlait souvent qu'avant il picolait pour des bouteilles de whisky et il tombait jusqu'à ce que, tu vois, dans son hôtel, je me souviens d'une interview où il parlait de ça, et après il disait que maintenant il consomme beaucoup moins. Ouais. Et en fait ça c'est des trucs que tu retiens, tu dis ah mais en fait quand je suis dans ma race là, en fait, c'est possible de s'en sortir. Il y a un livre d'une journaliste qui s'appelle un livre qui s'appelle Sans alcool, d'une journaliste dont je n'ai pas le nom. Non, t'inquiète, je vais regarder. Vas-y. C'est une journaliste qui a fait qui a eu des problèmes d'alcool et qui a fait un bouquin sur son arrêt. Il s'est expliqué sa vie d'après en disant que voilà, qu'elle a réussi à s'en sortir et que maintenant elle est heureuse et tout. Et en fait, ces trucs là. En tout cas pour moi, et donc je m'en suis rendu compte que ma vidéo là aussi servait à d'autres. C'était un peu aussi le but, mais. Voilà, mais bref, et en tout cas, c'est important. C'est pour ça que j'ai fait ce truc. Mais tout en mettant des blagues, parce que je voulais aussi, c'était aussi un challenge pour moi, parce que j'avais pas sorti de vidéo depuis 3 ans. En parlant d'alcool, je peux te prendre. Le livre de Sans alcool est de Claire Touzard. Ouais, voilà. Claire Touzard, exactement. Claire Touzard, 7,80€. Claire Touzard, Daniel. Et sur Audible, tout simplement, à 14,95€. Non, mais voilà, je vous donne des trucs. Ou un crédit si vous avez l'abonnement Audible. Évidemment, non, mais bien sûr. Alors, désolé, du coup, ça spoil un peu, mais du coup, j'ai reçu quelques questions, Maxime, et il y en a une qui. Quelqu'un demande parce qu'il a vu ta vidéo et donc spoiler, tu n'as pas spécialement repris l'alcool. Il voulait savoir si tu avais eu des séquelles. Alors peut-être ça va être une autre vidéo, dit-il. Mais lui, par exemple, quand il a arrêté, son système digestif, il a eu du mal malgré ses efforts pour le réhabiliter. Il a 21 ans, il a commencé à 16 ans. Et à 16 ans, il buvait beaucoup. Il dit, j'ai vécu à la campagne. Donc, voilà. Bon, as-tu la chiasse, voilà, c'est la question. Est-ce que tu as des séquelles physiques? Alors non. Enfin, moi, je faisais souvent des pauses de 1 mois d'alcool, donc j'ai pas trop senti le moment où j'ai arrêté d'un coup. Enfin, j'avais déjà fait ces pauses. Pas comme en Trainspotting où tu transpires. J'étais pas à ce stade de manque. je crois pas. Mais bref, j'en sais rien. J'ai pas eu le délire très mince ou quoi. Non, c'est juste, je fais une consommation, je fais la fête le week-end et tout ça. Mais j'étais pas dans un truc. Où mon corps était en manque vraiment. C'était juste moi, mon vrai problème, c'est que parfois je disais vas-y, cette semaine je bois qu'une fois, et en fait je dérapais, pas t'empêcher, les copains machin et tout, bon, et donc non, mais le sommeil incroyablement meilleur très rapidement, ça c'est incroyable. Et vraiment moi c'est mon moral qui est d'une stabilité dans le positif et dans qui est, ça a changé vraiment, ça a été rapide quoi. Donc ça oui, dans les non celle assez dure, je me souviens plus ce que c'est que d'avoir des selles. C'est le moulet. Ouais, très bien. Mais chez certains effectivement ça dépend aussi peut-être de ta consommation. Des gens qui peuvent si t'as commencé à 16 ans et à grosse dose, oui, je peux comprendre que ça peut être plus vénère. Justement, alors la transition est toute faite. J'ai donc dit aux auditeurs que vous étiez tous autour de la table, et donc ils en ont profité pour poser des questions. Julien, pas par mal, exemple, quelqu'un qui demande, je suis moi-même journaliste et je m'ennuie. Très bien. Et et il voulait savoir si c'était la raison pour laquelle toi tu avais changé de voix, s'il y avait eu un déclic, parce que la personne elle-même doute en ce moment de ce choix. Alors déjà, je peux lui dire que s'il s'ennuie ou elle, je sais pas si. Je sais pas, c'est pas dit. Faut pas hésiter à bouger, parce qu'en plus. Les postes de journaliste c'est quand même assez rare, donc peut-être laisser la place à quelqu'un qui a envie de le faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il y a rien de pire que de faire un métier dans lequel tu te fais chier. Moi je suis pas parti parce que je m'ennuyais. Je suis parti parce que j'avais envie de faire autre chose. Je faisais vraiment beaucoup de vidéos à la fin dans mon. Oui, il y a eu une transition, rédac. C'est autre chose aussi. Il y a eu le rewind, il y a eu tout ça. Ouais, et puis j'ai monté. À la fin, j'étais Red Chef adjoint chargé de la vidéo dans le. Chez 20 Minutes, qui vient de fêter ses 20 ans. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Un an par minute ou quoi? Non, mais excusez-moi, c'est venu comme ça. Pas pensé, c'est incroyable. Non, mais j'ai pas réfléchi. T'es auteur? Entre autres. Et ouais, je me disais, tout ce que je fais là chez 20 Minutes, je pourrais le faire. Autrement, si j'étais, si c'était moi qui choisissais mes sujets tout seul, s'il n'y avait pas un truc de validation, une grosse structure derrière et tout, j'avais juste envie de faire autre chose tout seul dans mon coin. Ouais. Mais non, je m'ennuyais pas. Marie, oui. Une question. J'ai adoré ton documentaire sur France TV/. Merci. Je voulais savoir si c'était quelque chose que tu voulais aborder depuis longtemps ou est-ce que c'était France Télé qui est venu te chercher, comment ça s'est passé, comment ce documentaire est arrivé. Donc il faut le dire déjà aux gens, c'est un documentaire qui est dispo gratuitement, ouais, sur France TV/. C'est dispo jusqu'à je ne sais quand, mais ouais, très longtemps, ouais, parce que c'est que sur internet. Donc la, ouais, grosse vie de Marie, c'est un sujet que je voulais aborder depuis hyper longtemps, mais très difficile de parler de grossophobie dans les médias. Là ça, tout est en 2020, il y a eu trois documentaires dans le service public d'un, ouais, coup. J'ai commencé, en fait, j'ai appris le mot grossophobie, ce que ça voulait dire. J'étais en école de journalisme, je devais avoir 22-23 ans. Et là, je fais, ah putain, en fait, ma vie, c'est pas de ma faute, c'est, ouais, les autres gens qui sont méchants. Et alors, je simplifie vraiment la grossophobie, mais j'ai eu un peu le truc et je me suis directement dit pendant mes études, putain, faut en parler. J'ai fait une rédaction, deux, trois rédactions, nanana. J'ai fait plein de rédactions différentes où on m'a dit, bah, les problèmes de gros, ça concerne que les gros. Et j'ai fait, ouais, ah, ok, bah, j'ai 24 ans, donc je peux rien dire pour l'instant, mais ouais, l'année prochaine. Bouge, hein, pas. Un jour, voilà, j'ai rencontré des copines qui travaillaient avec Slash et qui ont mon âge et qui avaient leur petite boîte de prod et on leur a proposé et ils ont été chauds direct. Donc voilà, j'ai mis 5 ans. Bah oui, mais bon, et moi j'ai une question aussi sur comment tu dates, parce que j'ai découvert, oui, ça. Moi je connaissais pas, c'est quand on s'est dit, moi je connaissais Tourista, c'est et tout. Tout et, quand, bébé. Et quand je me suis intéressé à ce que tu fais à côté, j'ai découvert ça et j'ai vraiment kiffé beaucoup. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Merci. Et je voulais savoir comment vous trouvez les gens. Vous voyez ce que je trouve fou, déjà pour expliquer ce qu'est comment tu dates, je l'ai dit un peu en intro, mais c'est que tu interviews des gens sur leur rapport à la séduction, mais des gens, disons, bah, comme je le disais, il y a des gens, c'est des gens invisibilisés, discriminés, voilà. Exactement. Et même où, quand tu es quelqu'un qui n'est pas concerné, où tu dis, bah oui, putain, je me demande bien comment ça, c'est fonctionne. Ça. Comment tu travailles une émission? Est-ce que vous êtes une équipe? Comment ça fonctionne? Alors, moi, je travaille avec une boîte de prod, mais c'est vraiment moi qui gère toute la partie éditoriale. Okay. Donc, de trouver les gens, de ah construire, oui, les interviews, etc. Je suis toute seule. Et ça fonctionne de plein de manières, mais généralement, les gens ont plutôt envie de parler. Il y a juste moi, je choisis sur certains sujets de pas forcément faire parler des gens qui ont jamais médiatisé le sujet. Par exemple, l'ancien détenu, oui, c'est un mec qui avait déjà parlé sur son Insta du fait qu'il avait fait de la détention, etc. Alors que sur d'autres sujets, je fais des appels à témoins et j'échange des messages avec les gens et tout. Donc voilà, c'est comme ça que je bosse. Et à la base, l'idée, c'est juste que ça fait 2 ans que je parlais de mon célibat en faisant des blagues sur Tinder et je me suis dit, tiens, et si on en faisait un truc un peu sérieux, quoi. Ouais. Et voilà. Oui, mais qui a aussi un ton, c'est ça que j'aime beaucoup, ouais, c'est que c'est une discussion. En fait, c'est un truc assez. Le mot léger, je l'aime pas trop, mais en tout cas, il y a un truc où c'est pas dramatique, en tout cas. Ouais, c'est, ouais, c'est vraiment... Bah, c'était vraiment un de mes trucs de me dire. Ok, en fait, ces gens-là, un ancien détenu, à chaque fois, on lui demandait, putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Et la prison, c'est horrible, non? Il s'est passé des trucs horribles et tout. Moi, je lui ai dit, bah, la première question de l'ancien détenu, je m'en fous de savoir le pourquoi t'as été 11 ans en prison, ouais, mais est-ce que t'as ken en 11 ans? Ouais, et de parler, en fait, de parler de sujets comme le dating, l'amour, la rencontre, le cul, etc., c'est quand même un sujet qui nous ramène tous. Enfin, ça concerne tout le monde, quoi. Alors qu'être en ancien détenu, ça concerne pas tout le monde. Moins de gens. Moins de gens. Il y a moins de gens qui ont été en détention. Et donc, alors, c'est une série qui est dispo sur ton Instagram. Ouais, c'est ça. Et en podcast. En podcast, la version un peu plus longue, c'est une semaine après chaque fois. Ah, cool, d'accord, c'est un peu plus long en podcast. Ouais. At Marie de BR. Exactement. Il y a d'autres épisodes qui vont arriver? Ouais, ça va durer 6 mois, il y en a 12 en tout. Ah, trop bien. Donc là, on est lundi. Est-ce que tu sais le prochain qui sort? Non, le prochain, on est lundi combien? Là, dans le futur, tu veux dire? Ouais. On est le 21. Ce sera la semaine d'après. Ouais. Je sais pas la date. Non, mais t'inquiète, c'est pas. Mais de toute façon, il y a déjà quelques épisodes. C'est tous les mercredis. Voilà, il y a déjà un épisode avec effectivement quelqu'un qui est séropositif, un ex-détenu, quelqu'un de bipolaire aussi, je crois. Ouais, vient de sortir. Donc, voilà. Donc, vous avez déjà plein d'épisodes à écouter. Je vous conseille ce très bon podcast. Bravo, voilà. Merci. Une question pour Marie et Maxime. J'adore le podcast Tourista, je les dévore et je sais qu'ils ont voyagé pas mal également. Est-ce que vous envisagez, alors j'imagine que oui, mais bon, est-ce que vous envisagez pardon, prochainement de faire un épisode l'un sur l'autre, comme invité de votre propre question propre qui revient sur l'autre. Ça revient souvent. Alors moi, j'ai pas le même avis que Marie. Ouais, on est en désaccord. Vous embrouillez pas. Non, mais on non, va donner un carton à l'un d'autre qui pour taper êtes, sur la tête. Vous êtes des gants de singe. Non, mais. En fait, moi, je suis plutôt d'avis De toi, t'es plutôt poule. Ouais. Ouais. Ah. Eh, vous êtes des frères ou quoi? Non, mais tu m'étonnes. J'ai l'impression, Donatello et Raffaello. Alors, je préfère garder les anecdotes qu'on a, parce qu'en fait, on raconte un peu des anecdotes au fur et à mesure. Et comme, donc, on a l'invité qui parle, et parfois, vous rebondissez. On rebondit et tout. Et moi, je préfère garder quelques trucs comme ça pour les garder au fur et à mesure, pour pas me retrouver à tout balancer dans un épisode et après me dire, ah, mais ça, j'ai déjà raconté dans. Te retrouver à poil comme le mec dans le tram. Alors un podcast où genre on répéterait plusieurs fois les mêmes anecdotes, mais sachez que le Floodcast est une grande inspiration. Il y aura jamais eu de Tourista. Je crois que j'ai déjà raconté dans un précédent Tourista. Mais moi je débute et du coup j'ai encore ce réflexe de me dire, ah, on l'a déjà raconté un peu plus, et là en fait vous racontez. Oui, bien sûr, on enregistre pas, tu sais. Ça fait 7 ans. Mais pastis. Et donc je m'étais aussi dit, bah en fait le jour où on racontera les anecdotes, c'est que des gens qui nous inviteront dans leur podcast et on leur racontera les anecdotes, quoi. Un truc un peu comme ça. Ouais, alors que moi je suis plutôt d'avis de un épisode facile. C'est vrai. D'inviter ce que Maxime fait, pas moi. Et en plus j'adore parler de moi. Oui, voilà, bah donc parfait. Tout est réuni. On nous le demande de temps en temps, mais c'est pas non plus en mode s'il te plaît Marie, raconte moi, ta vie. Ouais, j'ai vraiment ce truc d'édito de me dire, ouais, mais moi ces anecdotes là, si j'ai l'opportunité de raconter avec un invité ou une invitée qui est cool, bah c'est plus sympa parce que ça crée des discussions et tout, et ça ouvre un peu le truc. Et comme moi vous êtes à combien d'épisodes là à peu près? 23. Non, on en est à 22, je crois. Ça fait un an, on en a fait 2 en public et c'est exceptionnel. C'est cool en public, hein. Ben ouais, moi c'est vraiment dans ma tête, c'est pas du tout le même délire. Non. Le premier, on l'a fait avec Charlie Danger. Ouais. Et en gros, je pose une première question au début où je demande aux gens de se présenter en anglais comme si on était dans une auberge de jeunesse et qu'il y avait que des étrangers. Ouais. Et donc, c'est rigolo parce que les gens, parfois, ils sont plus ou moins beaux en anglais. Et quand c'est à la maison, bah, c'est tranquille et il n'y a pas trop de stress. Et là, j'ai posé la question à Charlie. Et en fait, j'ai senti qu'elle était un peu genre piégée, elle s'attendait pas à ça et tout. Oui. Et le fait qu'il y ait le public. Fallait écouter le podcast. Oui, c'est ce que j'ai. Sinon, après, t'es surpris que ça parle de merde. sans jugement. Et en gros, là, je me suis dit merde. Et dans ma tête, c'était waouh, là, de manière, il faut enchaîner. Parce qu'à la maison, bah, si tu coupes ou quoi, et si tu reprends le truc. Ouais. Et en gros, pendant tout l'épisode, il y avait tout ce truc de merde. Bon, ok, je l'ai piégé. J'ai eu le sentiment d'avoir piégé une fois. Donc, juste à partir de maintenant, je tente plus rien et tout. Elle est trop empathique. Non, non, après ça s'est très Charlie, bien passé. Tu as gâché l'épisode. Pas du tout. Non, non, c'est moi, j'aurais peut-être dû la prévenir. Et après, on en a fait un deuxième avec Swan Périsset en public pour les 1 an. Et avec Swan, c'était aussi. Ouais, incroyable. Elle l'a pas gâché. Et, non, mais Charlie, c'était très bien. Arrêtez, non. Voilà. Vous comprenez ça, toi, pourquoi? Non, mais avec Charlie, c'était trop bien. Elle revenait d'Égypte, elle nous a raconté son voyage en premier et tout. C'était dans le bateau de l'Orient Express, tout ça. Exactement. Ça a l'air fou, ça. Le bateau de l'Orient Express? Ouais. En tout cas, je tiens à dire que c'est, je sais pas si c'est hyper fréquent les podcasts en duo. Je sais pas. Mais n'empêche que aussi bien Marie et Maxime que Adrien et Flo, vous êtes quand même des duos ultra complémentaires. C'est quand même assez rare, je trouve, d'avoir des gens qui fonctionnent aussi bien. Plaisir. Non, mais vraiment, mais merci. Je m'étais fait la réflexion. J'étais au podcast raté en public. Merde. Je mens. Non, mais c'était la foire à danger. C'était dans ma tête que c'était stressé. Mais l'épisode était génial. J'étais content. On m'en a parlé. Bah moi, Charlie m'en a parlé. En disant, je l'ai ruiné exprès. C'était hyper bien. Et il y avait vraiment quand toi, on sentait que t'étais en train de te replonger dans tes trucs pour reprendre le fil. Marie, elle enchaînait assez bien vraiment avec des mais ouais, mais ça marche trop bien. Attends, et Marie et pareil, hein, quand ne dit-on pas que Marie Swan, et le Adrien t'es Maxime et ta Maxime oui, je l'ai lu. Voilà. En tout cas, voilà, Tourista. Et vous avez d'autres envies avec le podcast? Est-ce que peut-être l'en faire à l'étranger? Bah oui, peut-être. Moi c'est ça que je me demandais. Bah voilà. Bah, en public, d'aller à l'étranger. Bah ouais. Sur le Nil, dans l'Orient Express. Non, mais aller dans des auberges de jeunesse et aller avec des gens dans d'autres pays, quoi. C'est, ouais. c'est des idées qu'on a déjà eues. On n'a pas. Enfin, de se balader. Oui, je sais pas dire c'était original. Non, mais moi, Maxime, lui parle pas comme si c'était Charlie Danger. Non, mais effectivement. Ne me gâche pas l'épisode comme Charlie, s'il te plaît. On en a déjà fait un peu original où on était dans une voiture et on restait et des gens venaient au fur et à mesure, c'était des touristos et des touristas, c'est nos auditeurs et auditrices qu'on appelle comme ça, et qui venaient de nous raconter des anecdotes, donc c'était spécial pour eux. On a parlé de faire le truc que font les gens qui croient en Dieu là. Saint-Jacques de Compostelle. Exactement. On peut se poser, mais moi je marche pas par contre. Non, mais on avait. Non, mais trop à trouver des concepts de dire faire un truc un peu. Tu peux avoir un petit. Un cheval. Un Segway, pardon. Parkinson. Une trottinette. Ouais. Tiers. Un Segway, c'est. C'est quand même mieux. J'ai pas la rêve, c'est pour ça. Tu sais, un Segway ? Un vélo mécanique, c'est un truc. Tu sais, les Segway, c'est les trucs où t'as un guidon comme ça avec deux roues et tu te déplaces. Ah ouais, ça me fait peur, hein. Et le. Ouais, ça fait peur, surtout que le. Ah oui, le boss de Segway est mort en Segway. Il est mort dans un Segway. Il est mort avec son propre. Il est tombé dans une falaise. Je pense que j'ai trop tard par rapport à l'anecdote en même. C'est. Mais d'ailleurs, c'est marrant que vous en parliez puisque justement, il y a. Justement, il a gâché son produit comme Charlie Danger a gâché l'épisode. Un des auditeurs, justement, demandait quand. Si vous aviez prévu de refaire des épisodes avec les touristos pardon et les touristas. Ah, j'ai tout ramené à moi. J'ai tout ramené à moi. Les touristos et les touristas. Ouais, je sais pas si on peut spoiler ça, mais allez, ça va peut-être pas du tout arriver. On est peut-être en égo pour le festival Le Cercle. Vous voyez le Cercle, bon, c'est un festival de musique, et on va peut-être faire un truc avec Thomas Pesquet. Trop bien, c'est cool. Thomas Pesquet. Il y a Mario Cacados. On est pas sûr. C'est toujours bien de vendre ça parce que. Non mais en fait, il suit le. Mais par contre, il suit le festival. Il va raconter ses vacances en France. Il va raconter ses vacances en France, pas du tout l'espace. Quand tu bosses là dans l'espace, de faire un petit camping. De parler de l'île de Léron. Faut le faire quand il est dans l'espace. Ah ouais, mais là tu m'en demandes trop. Hein. J'ai pas le courage, oubliez pas, je suis lâche. Mais Thomas Pesquet, parce que il y a une private joke qui est passée par là. Moi j'ai essayé de le choper pour. Thomas Pesquet avait utilisé un gif animé sur Twitter avec le visage d'Adrien Méniel. J'avais vu la station spatiale. Il a répondu à je sais pas quel organisme spatial qui lui avait parlé. Avec un gif de ma tête issu d'un sketch de Game of Thrones. Exactement. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, j'avais essayé d'emboîter le pas pour dire ah bah, venez dans le podcast. Évidemment, une énorme absence de réponse. On t'invitera dans ma part. Un petit gif de lui qui fait. Il m'a envoyé une photo de lui qui fait un gros doigt. Dans l'espace, mais avec un saxophone. Attends, moi, un doigt de Pesquet dans l'espace. Il fait du sax. Avec un sinistre. Et oui, il fait du sax. Putain, c'est fou. Pesquet envoie du sax. Si quelqu'un connaît, si quelqu'un qui nous écoute, on peut tenter. Moi j'ai tourné avec lui. Thomas Pesquet, faites-le. J'ai vomi avec lui. À côté de lui. Avant qu'il aille dans l'espace. Ah ouais, j'ai fait un entraînement pendant une journée à l'ESA. Non, mais entre deux. Oui, bien sûr. Non, mais attends, mais toi. Non, mais on se chamaille. Bah oui. Comme un vieux couple ou quoi. Là, les vieux du Muppet Show. On est des singes. C'est pas actif, pardon. Non, mais alors. Je faisais un sujet où je suis allé faire son entraînement en Allemagne où il s'entraînait. Il savait pas quand il allait aller dans l'espace, mais il s'entraînait. C'était. Oui, c'est le truc où tu testes la gravité. Ça tombe tellement vite. Moi, j'ai testé un truc qui était très rigolo. Espèce de truc. C'est un masque où en fait ils t'apprennent. Tu respires quelque chose et on t'enlève de plus en plus l'oxygène pour que ton corps il comprenne quand il y a des fuites d'oxygène ou quoi, pour que tu aies des warnings, parce qu'en gros, si au bout d'un moment, enfin tu me diras si je me trompe, Julien, mais si t'as une perte d'oxygène, à un moment ton cerveau il commence à devenir un peu débile et tu rigoles et après t'oublies. Et c'est pour ça qu'on respire. Et c'est pour ça qu'il y a des avions de chasse, apparemment. Ça, je sais pas si c'est vrai, mais je crois il y a des avions de chasse qui tombent comme ça parce qu'il y a un problème d'oxygène et les pilotes ils sont complètement stone et ils arrivent. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr, c'est pas dans le dessin animé que j'ai vu ça, je crois que c'est vrai. C'est bref, c'est un mec jaune avec des dents à la place des cheveux. Enfin bon, c'est ça. Mais donc pour tester ça, en fait, ils nous font un exercice où nous font faire des calculs très simples sur une feuille de papier en écrivant nos prénoms à l'endroit, à l'envers, avec un masque où de plus en plus l'oxygène disparaît et tout ça. Et donc, moi, j'ai fait ça à côté de Thomas parce que. Tom. Il a rempli la page et moi, au bout de 3, j'ai écrit MaxiGFR. Voilà, mais pas écrit mon prénom. Mais on peut avoir un contact de Thomas Pesquet, Adrien. Je peux l'avoir. Ah ouais. Je sais pas s'il fera le podcast, mais je peux l'avoir. Je pense pas. Je te le dis. Moi, je pense que si. Clara. Au moins le générique. Au moins juste du sax à l'Olympia. Thomas Pesquet, vous venez à l'Olympia, vous venez faire du saxophone et puis on n'en parle plus. Ne dis pas les bonnes idées comme ça. À chaque fois, tu fais. Julien, on connaît ta passion pour la musique. Est-ce que c'est un sujet que tu. Je m'attendais pas à ça. La merde, je pense à ça. Le pica. Non, la musique et en l'occurrence le rock et le metal. Est-ce que c'est un sujet que tu pourrais aborder en vidéo ou c'est plus un truc que tu abordes comme un hobby? Un sujet que je pourrais aborder en vidéo sur ma chaîne actuelle, peut-être, mais genre, ça ferait une vidéo. Les effets du headbanging sur le cerveau. J'ai déjà fait. Bah oui. Tu vois. Je dis pas n'importe quoi. Non. T'avais pas fait des vidéos au Hellfest? J'avais fait une série de vidéos pour préparer son Hellfest. Je me souviens. Oui. J'en avais tourné sur place aussi. Apéro. J'en avais tourné sur place aussi. Peut-être refaire des trucs, peut-être faire un truc complètement déconnecté de la santé parce que j'ai envie de faire du podcast. Ah, ne spoilons pas. Mais ouais, n'invite pas carrément. Charlie Danger, par contre. Il vient de se décapsuler une bière devant nous et il s'est lâché. Il s'est lâché. Et merde, c'est bon. Ça dégage. Donc, ouais, carrément, volontiers. Bon, avec plaisir. Trop bien. J'ai peut-être un petit projet musical dans les tuyaux dont je peux. Musical ? Ouais. Où tu joues de la musique? Non. Ah! Non, où tu parles de musique? Je parle de musique. Ok. Mais je peux pas en parler. Et tu reviendras nous en parler quand ce sera lancé. Ouais, d'accord. Et Maxime, une question pour toi. Comptes-tu reprendre du coup le rythme des vidéos YouTube? Et si c'est le cas, refaire peut-être certains de tes anciens concepts? Alors, on m'a dit ça dans la rue aussi une fois. Tu vois, refais des vidéos, tu viens d'en sortir une. Refais un Vélib! Il me dit, mais alors en gros, bah déjà c'était un peu compliqué. J'avais des idées, des envies, et sauf qu'il y avait une pandémie, donc voilà. Donc moi, enfin, tourner d'habitude, j'ai tout le temps quelqu'un qui me filme et tout ça. Et c'est pour ça que c'était la première vidéo que j'ai tournée tout seul, montée tout seul, et que j'ai montré vraiment à personne avant le dernier moment. Et j'ai montré à Julien notamment le jour avant pour me valider et tout. Mais c'était vraiment d'habitude, j'ai tout le temps de l'aide et tout. Donc là, ce que j'ai montré aussi à Manon Bride qui m'a aidé sur le dernier jour pour faire le montage. Et si je le dis pas, elle va m'engueuler parce qu'à chaque fois que je l'ai dit dans toutes les autres vidéos, j'ai fait des interviews. À chaque fois, c'était coupé au montage. Elle croit que je parle pas d'elle. Donc, non, bref, merci beaucoup pour ton aide. Mais voilà, il faut du budget. Et ça, voilà. Donc, refaire des vidéos à chaque fois. Moi, mes vidéos sur ma chaîne perso, ça a toujours été quand j'ai une idée et que je peux le faire avec les moyens du bord et avec les potes qui sont OK. Voilà. Donc, moi, j'ai pas trouvé encore de modèle économique pour pouvoir faire un truc régulier sur ma chaîne. Quand je faisais des vidéos, le Vélib, c'était au studio Bagel, par exemple. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est pas. Tous les défis que tu avais fait à l'époque du petit journal. Donc, il y avait de la prod et tout. Donc, moi, c'est. Non, VPN, hein. Là, c'est pour ça. Il faut que j'arrive. Là, je suis très content parce que j'ai vraiment fait un nouveau truc, c'est-à-dire parler en mode raconter un truc en mode face cam et avec des petits extraits que je tournais parce qu'il y a aussi un peu des blagues et je fais un peu des sketchs aussi, enfin c'est pas juste une vidéo hyper sérieuse pour les gens qui n'ont pas vu j'essaie quand même de mettre un peu ma vibe et de faire des blagues quoi. Donc j'étais hyper content de créer ça, c'était la première fois que j'arrivais à créer un truc voilà tout seul et tout, donc peut-être que je vais avoir d'autres idées mais clairement j'ai pas encore la prochaine idée, mais j'aimerais trop parce que ça a été un vrai plaisir. Tu y vas polé, on pourrait dire. Voilà, tout simplement, tu n'y vas pas, tu vas doucement quoi. Tu veux pas tout de suite te remettre le stress. Bah, c'est juste, je suis trop chaud. C'est juste la créativité. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la recette magique pour avoir une idée. Enfin, je crois que personne. Voilà, c'était l'alcool. Et une toute dernière question pour Marie. Quels sont tes futurs projets et quel serait ton projet de rêve si tu avais un budget illimité? Oh waouh, c'est toujours très question. Bon, déjà, comment tu dates, c'est vraiment le début, donc laissez-moi le temps. Mais gros budget déjà, il y a le plateau et tout. Gros budget, mais bon, je suis sur le tournage. Plus d'une cam déjà. Donc, pas mal. Il y en a 5. J'ai vraiment un déjà vu de ouf là depuis tout à l'heure, c'est très bizarre. Peut-être j'ai rêvé de vous, pas du tout, je suis juste fatiguée. donc comment tu dates, ça c'est jusqu'en août, mais il y a plein de choses. Je travaille sur plein de trucs qui vont sortir plus tard. J'écris une BD qui est en train d'être illustrée en ce moment, donc c'est trop cool. Je pense que ça va être septembre. Et tu peux nous dire de quoi ça parle? Ça parle de moi, d'accord, et de la grossophobie. D'accord. Pour changer. Non, mais je raconte ma vie de petite à aujourd'hui sous le prisme de la grossophobie. C'était un exercice trop cool à faire. Ouais. Et j'ai des potes qui ont fait un ARG, du coup il y a eu un film, donc je joue dans un long métrage qui va sortir sur Shadows. Trop bien. Shadows, donc un truc de genre, un film de genre du coup, une série de genre, trop bien, qui fait peur. Super. Et Shadows, très bonne plateforme de streaming, effectivement concentrés sur les films de genre et d'horreur. C'est et, ça. Voilà, il y a des jolis, il y a des trucs classiques, cultes. Et des petites pépites cheloues, voilà, très bonne plateforme française, je crois en plus. Oui, c'est français. Voilà, et donc voilà, c'est vachement bien. Je vous conseille comme ça. Et ben bah, t'as raison, voilà. Ils sont trop gentils. Et non, si j'avais budget illimité, qu'est-ce que je ferais? Est-ce qu'on ah, tu vois, rêver, allez, acheter un pays, l'Islandia, Je vais faire une nation. si j'avais, je sais pas, moi je rêve de faire des longs films documentaires sur des sujets, mais aussi de faire des blagues et de m'aider avec des gens qui m'aident à écrire des blagues. Je sais pas, ça a pas l'air ouf. Non, si, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai un budget limité, je pourrais dire un truc encore plus ouf, non? Tu pourrais, ouais, oui, bah, mais c'est tu pourrais résoudre le conflit en Ukraine. Apparemment, ça passe en deux. Ça passe en deux, c'est mieux. Ok, pas de soucis. Une question pour nous, Adrien, également. Ah bon? Parce que, bon, la question est pas. On n'a pas une grande réponse à apporter, mais ça me permet d'aborder un sujet cool. Quelqu'un qui dit: on vous a vu un peu dans les vidéos de McFly Carito récemment, ils portent parfois votre merch, est-ce que leur publicité pour le podcast vous a permis d'avoir une augmentation d'auditeurs? Alors je pense pas que ce soit lié, parce qu'en plus McFly Carito, faut savoir que McFly c'est un des premiers invités qu'on a eu à l'époque, officiellement il est dans la première émission du podcast, officieusement la deuxième parce que j'avais supprimé la première, c'est parce qu'elle était pas ouf. Et Carlito est venu aussi deux fois, je crois. Donc voilà, c'est des gens qui sont venus depuis longtemps. Donc je pense pas que le fait qu'ils nous invitent ou qu'ils portent le merch ramène des gens. Non. Mais cela dit, ça me permet de dire que le podcast n'a jamais autant marché en fait de l'histoire. Donc pour remercier les gens, toujours plus depuis 7 ans en fait. Enfin ça grimpe. Bah, avec des hauts et des bas, ouais. Mais là on a vous atteint. Vous diriez que c'est une progression exponentielle ou Utiliser des mots que je orthographierais mal. Oui. Non, parce que là on a atteint un truc autour de 700 000 écoutes par mois, donc c'est vraiment chouette. Donc si vous voulez voilà, donc qu'on fasse des campagnes de pub. Non mais donc voilà, donc ça me permet de vous remercier, voilà, parce que c'est trop cool, on est content. C'est aussi parce qu'on fait plus d'émissions, hein. Avant on en faisait beaucoup moins, là on a pris le rythme et la régularité. Saison 1 c'était combien à peu près? Saison 1 on en avait une par mois quand on était un peu régulier. Il y avait aucune en fait, c'était quand regardiez un peu, vous regardiez pas les stats à l'époque? Si, non, pas du tout, on avait même pas accès aux stats en fait, il y avait juste un nombre d'auditeurs. Même moi j'ai pas accès au stade déjà lui, donc là maintenant c'est parce qu'on est avec Akaz, donc en fait ils te disent un peu tous les jours combien il y a de gens qui écoutent tes trucs. Mais donc voilà, donc bravo, ça me permet, bah c'est surtout pour remercier les gens, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, ouais, on vous aime, vous êtes nos amis. Non, évidemment que non, mais on est quand même trop content, ça fait quand même super plaisir. Et donc ça plus la tournée, c'est vrai que ça fait quand même très plaisir, donc merci beaucoup. On va passer aux recommandations culturelles. Je vous ai demandé s'il y a quelque chose que vous aviez apprécié récemment culturellement parlant. Julien, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Alors, j'en ai 1000. Est-ce que j'ai le droit d'en donner 1000? Tu peux commencer par la première centaine, s'il te plaît. La première centaine. Non, j'ai droit à plusieurs. Oui. Rapidement. Un compte Insta qui s'appelle Brento. Ok. _ Brento. _. Ok. Attends, Brent Cerveau et Théo? Ouais. Okay. Alan Théo? C'est des mecs qui font de la curation, donc qui mettent en avant plein de trucs de création graphique, design vidéo, des trucs assez stylés, assez marrants, vraiment c'est assez indescriptible, mais faut aller regarder. Ok. Un groupe de hardcore, trash hardcore, okay, qui s'appelle Cage Fight. Pour les gens qui connaissent Walls of Jericho, okay, et genre Arch Enemy, okay, donc qui ont la particularité d'être deux groupes de métal avec des chanteuses qui envoient du sax. En l'occurrence, je me mets un petit peu au diapason. Donc ils ont sorti un single jeudi dernier. Ok. Oh putain, on est dans le passé, voilà, du futur. Et ils sortent leur premier album en mai. Ok. Excellent. Et ils passent en tournée quelque part en France? Ils passent pas en France, non, pour le moment, mais ils tournent, mais pas en France. Pas encore, ok. J'ai deux chaînes YouTube. Allez. Une qui s'appelle Luduc. Ok. C'est pas le mec qui fait les bidouilles, hein, c'est un Québécois qui fait un truc. Moi, je suis tombé dessus complètement par hasard. Le mec fait des trucs ultra, c'est ultra quali visuellement et tout machin. Et ultra quali le chanteur également. Ouais, bien sûr. Donc je me suis dit, et le mec fait ça depuis des années, genre 5 ou 6 ans. Il a, je sais pas, je sais plus combien de vidéos, et il a 6000 abonnés. Ok. Donc c'est vraiment. C'est nul. Que dalle. Allez jeter un œil. C'est hyper drôle. C'est de la. Sur la pop culture, et fait pas mal de trucs sur le cinéma. Je sais que vous êtes quand même assez férutine aussi. Ça va, aussi, surtout celui-là. Moi, c'est vrai que j'aime bien la grande toile. Mais donc voilà. Pas la petite lucarne. Et le mec moi, est vraiment. Sur la tech. Le mec est vraiment. J'ai le dîner de con. Merci. Bah, tu vois, j'adore ça. Et une chaîne qui s'appelle. Alors, le mec s'appelle Bill McClintock. Je pense que je suis pas sûr que ça soit son vrai nom. T'invente, mais ok. Ouais, ouais, okay. Et le mec fait des mash-ups musicaux. Pareil, je suis tombé dessus par hasard. Il y en a une, c'est les Spice Girls et Slipknot. Ok. Et c'est vraiment ultra chiadé. C'est des vrais mash-ups ou c'est des mash-ups image-musique? Non, c'est des vrais mash-ups musicaux. Tu sais, il y a le truc où ils mettent genre Patrick Sébastien, c'est sur du Slipknot. Non, enfin, non, c'est sur non, c'est ça, c'est de la merde. Mais c'est vraiment chiadé. C'est à dire qu'il y a un gros, à la base, il y a un gros boulot sur la musique. Ok. Donc il isole le chant. Qui met sur la musique machin et tout, il mixe les deux, il y a vraiment un gros boulot de mix. Okay. Et après, oui, il fait des clips aussi où il fait des mélanges d'images machin, mais c'est pas parodique en fait. Tu peux rappeler le nom? Bill McClintock. Ok. McClintock Mashup, okay. Je pense. Il le ferait jamais. Hein. Moi, parce qu'il y a aussi William Morency Mashup, ouais. Qui est un gars qui fait ça aussi et qui est très très fort aussi, qui avait fait un mélange de Britney Spears et de Deftones et qui était vachement bien. Je vous l'invite à l'écouter. J'irai écouter. Toxic But It's Change. Voilà. Mais vraiment celui Spice Girls Slipknot, c'est vraiment bien. Et après, t'as Motorhead et. Et du Motown et tout, il y a des trucs vraiment hyper stylés. Oh, trop cool. C'est et DJ Zebra un peu, c'est DJ Zebra. C'est Etienne For You. Mais oui, voilà, Etienne For You, tout simplement. Et un bar. Je conseille un bar, l'Atomic Cat à Passage Tiré. Est-ce qu'ils ont des bières sans alcool? Ils viennent, oui. Merci. On peut aller faire la Saint-Patrick après si tu veux. On va y aller, j'appelle maintenant. Une soirée qui démarre bien. C'est un bar. Ambiance post-apocalyptique avec une déco un peu stylée. Avec ça doit bien puer de la bite. très peu de Red Hot. Ils ont pas le monopole. Et des c'est assez ambiance indus, métal, machin. Et tout, mais pour les gens qui aiment bien, c'est cool. Okay. Nine Inch Nails, bien sûr. Ouais, évidemment. J'ai plein de refs. Maxime ? Alors, moi, je voudrais parler de mon ami. Guillaume Ferrand, que vous connaissez peut-être. Le musicologue. Ah, vous l'avez déjà? Non, c'est trop bien. Ah, trop bien. Guillaume Ferrand. Dis-moi. Là, parce que moi, je l'avais pas du tout prévu. Okay. Et j'étais en train de réfléchir et je pensais à Guillaume. Ah, tu voulais me piquer mon truc. Guigui Boy sur Twitch. Alors, c'est un musicien, donc c'est Guillaume Ferrand. Il y a une chaîne Twitch qui s'appelle Guigui Boy, mais qui s'écrit Guigui Bois. B-O-I. Oui, B-O-I. Voilà. Donc, c'est un ami. C'est pas que je connais depuis le lycée. Qui est un génie de la musique, vraiment. Ouais. Il a composé pour pas mal de gens de YouTube, pour Cyprien. Il a. Léopold aussi, je crois. Et donc sur Twitch, c'est lui qui a fait mes musiques sur ma dernière vidéo. Il les a composées pour moi. Il avait déjà composé des musiques pour moi. Il m'en file depuis longtemps. Bref, il est trop cool. Et il fait ça en 2 secondes. Tu lui donnes. Il était passé dans Popcorn. Il avait fait des impros musicales et tout. C'était fou. Et à la maison, à chaque fois, dès qu'on fait. C'était mon voisin. Enfin, c'est devenu mon voisin par un hasard total. Il était juste au-dessus de moi. Et quand on se fait des. Tu lui dis une musique, il te la joue comme ça. Il est incroyable et il est très créatif. Il a eu un groupe de musique qui s'appelait Griefjoy, il en a eu un deuxième. Enfin bref, là je voulais vous parler de sa chaîne Twitch. Moi, c'est ça qui m'a vraiment fait découvrir le plaisir de Twitch. Et que en fait, il reçoit des artistes et pendant 2-3 heures, ils font de la zik, quoi. Et suivant les invités, ils créent des concepts. Il a reçu Jacques où ils ont fait un concept où genre il devait créer une musique sans l'écouter. Sans l'entendre. Voilà, donc voilà, ils font des trucs marrants. Et moi, je me souviens la première fois que j'ai compris Twitch, et genre il y avait Camélia Jordana qui était invitée. Je fais un truc, je parle dans le chat, la première fois de ma vie que je fais ça, elle lit ma blague et tout, et là je fais oh putain, j'ai compris Twitch, quoi, j'ai compris la magie, j'ai fait ok d'accord, c'est ça, et en gros, donc c'est là, et après t'as l'impression vraiment d'être, à l'époque on était 200-300 dans le truc, et t'avais vraiment l'impression de partager un vrai moment intime, enfin à la fin, de complice avec tous les 100-300 personnes qui sont dans le chat, on se disait merci à la fin, on s'envoyait des cœurs pendant les chansons, il y a plein d'implos, plein de trucs, bref, c'est des moments trop bien, il fait ça très régulièrement, je crois, c'est le lundi soir en général sur sa chaîne, et là il est à la boule noire lundi soir, mais c'est complet, mais bref, il refera d'autres soir, le podcast ce soir à la boule noire, et peut-être vous êtes dans la file d'attente et vous écoutez le podcast, et je peux backup en plus ta reco. Moi je kiffe trop aussi ce que fait moi, et en plus je mate jamais les replays sur Twitch, ça me saoule un peu, et bah là les petits replays de Guillaume Ferrand pour aller dormir, comme moi je dors pas dans le silence, paf, bon, je me fous du piano. Et je dors. Donc il m'aide à dormir. J'avais des gens qui sont peut-être insomniaques. Guillaume Ferrand sur Instagram. Et juste une autre coach, je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut vous plaire. Ça s'appelle Antidona. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vais vous changer la vie. Alors c'est en fait c'est un groupe d'humoristes. C'est un groupe d'humoristes. Il fait aussi beaucoup de zik. Ils ont une chaîne YouTube, mais ils ont notamment fait une série sur Netflix complètement absurde. C'est Manon qui a découvert ça au hasard et tout. C'est elle qui m'en a parlé. Et donc, mais vraiment, c'était fou. Enfin, elle a une curiosité, elle va checker des trucs un peu chelous et tout. Et en fait, on est tombé sur ça. Ah si, Pierre Lapin, on avait parlé justement. Je sais pas si tu vois, t'avais fait un sketch, genre par exemple celui où la cheminée avec le cadeau là. Tu vois un peu ce sketch où tu vois cet univers où ça part en sucette comme ça, d'absurde, machin. Et ben voilà, c'est un peu leur délire. Tu sais pas où ça va. Et c'est fou parce que c'est sur Netflix quoi. C'est un peu timérique, un peu. Voilà, bon, et vraiment, donc t'as 6 épisodes. Au début, c'est vraiment pair chose, donc faut que t'apprennes un peu à connaître les persos et tout. Mais vraiment, moi, c'est vraiment devenu dans mes refs. Anti-Donna. Ils sont barrés très bien, ils font de la scène. Bon, ils sont en Australie, donc c'est un peu compliqué pour l'instant d'aller les voir. Mais bref, maintenant je les follow sur Insta et tout, les trois là. Et vraiment, je suis très curieux d'avoir votre avis de d'auteur et de spécialiste de l'humour. Voilà. On a notre petit univers, ça c'est sûr. Marie ? Oui, moi. Toi-même. Alors la reco va être d'ordre de la télé-réalité. Ah bah alors, c'est assez rare dans cette émission, donc je te conjure. Ah ouais. Ok, moi j'ai beaucoup beaucoup d'amour pour la télé-réalité, que elle soit française ou d'ailleurs. Du couple parfait, on est comme en parlait pas avant. Moi je suis très W9, donc je suis très marseillaise. Donc pas TFX. Voilà, okay. Exactement. Même parce si pendant la fin de grossesse de ma meuf, moi j'étais très du couple, enfin elle était, et donc moi a fortiori. Après voilà, la villa, parfait. Je peux me laisser porter par la villa. C'est pas si mal, hein, du couple parfait. Moi je me suis laissé un peu tenter. Bref, je suis très télé-réal. Ouais. Et par contre, t'es très tel réel. Et j'ai découvert hyper sur le tard Love is Blind. Oui, sur Netflix. Donc je recommande quelque chose que peut-être tout le monde a entendu parler. Tu vas voir Marocco, tout va bien. Ok, super. Et donc Love is Blind, c'est je sais plus combien de mecs et de meufs qui datent, mais dans des petites capsules. Donc ils se voient pas, ils s'entendent juste. Donc il y avait eu L'amour est aveugle en France. Ils sont dans la à l'ancienne. Ils sont. Oui, mais il y a un miroir, il y a un mur entre eux. C'est ça. Les phéromones. Ils ont l'odeur. Non. Ils n'ont pas l'odeur, ils peuvent pas se toucher, rien. Rien du tout. Ils s'entendent. Rien du tout, juste ils s'entendent et ils parlent. Parce que l'amour est aveugle en France, ils pouvaient se toucher. Ouais. Ouais. En fait, ils passaient une demi-heure à regarder si tu fais bien 1m72 ou pas. Enfin, bref, c'était un peu l'enfer là. L'émission qui a révélé Nabila. Oui. Voilà. Ouais. Donc, Love is Blind, ils se rencontrent dans le noir. Capsule. Et ça, c'est que le début. Ouais. C'est pas dans le noir, dans une capsule. Ouais. Mm. C'est que le début. Mais ils doivent se demander en mariage sans s'être vus. Ah. Ensuite, ils se rencontrent. Ensuite, ils partent en voyage quelques jours. Bref, il y a plein d'étapes jusqu'au jour du mariage. Et le moment du mariage, ils ont le droit de dire non ou oui. D'accord. Et ce qui est cool dans l'émission, c'est que c'est quand même des gens sains d'esprit qui ont juste, genre, comme projet dans leur vie de se marier, de rencontrer quelqu'un sur le long terme. C'est ça. Et qui se disent, allez, je tente l'expérience. Et tu te rends bien compte qu'au début de l'aventure, il y a genre 4-5 couples qui sont formés, alors que tu vois genre 25 personnes dans la salle. Et à la fin, il y en a la moitié qui disent non quand même. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est... Ah putain, spoiler. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est la saison 1? Parce que c'est souvent ce que disaient les gens de Love Story. Ils disaient c'est la première télé-réalité où les gens ne le faisaient pas pour être connus, et qu'après malheureusement tout le monde faisait de la télé-réalité pour être connu. Et bah tu vois, la 1 et la 2 aux States, elles sont sorties. Alors c'est vrai que les gens sont devenus des restars, hein, les gens de Love is Blind, ouais. Mais et puis c'est à l'américaine, tu vois, donc c'est très bien raconté. Mais parce qu'en fait peu importe s'il y a une petite raison de le faire pour la fame, comme à la fin, il n'y a pas ce truc de il faut qu'ils disent oui, comme dans en fait, ouais, plein d'autres émissions de télé-réalité. Enfin, des émissions de dating, il y en a eu un milliard. Bien sûr. Et à la fin, ils se marient et juste apprend dans les journaux de merde qu'en fait, ça n'a pas marché. Là, il y a quand même ce truc-là de c'est possible, puis tu rencontres leur mif, donc il y a quand même un truc qui est un peu plus réalité que télé, finalement. Oh là là, la bonne chute. Pardon, mais là, c'est une conclusion. Journaliste ou quoi? Adrien. Moi j'ai ça va être deux comptes TikTok. Putain, mais quel jeune. Bah tu m'étonnes. Il y en a un qui c'est Hirokisan 79, Hirokisan 79. C'est juste un japonais avec son synthé et qui en fait il fait des duos avec des souvent des chiens. qui font des qui aboient, ah, qui font, et lui vu. Il fait l'accompagnement, ah, au piano, c'est trop des bien. Bruits de chiens, et c'est la meilleure chose. Ça a été vraiment fait pour moi. Et l'autre, alors il est un peu plus indescriptible, l'autre, attendez, il faut que je le retrouve. C'est le ministre des Transports. Ouais. Non, quel crack. C'est un compte top sur TikTok. C'est un compte qui me fait rire, ça s'appelle Boston Be A Man. C'est assez dur à l'écrire, en fait, c'est un peu... Be miserable and change nothing. Ouais, c'est ça. Be c'est a man. Gros, ouais, c'est ça. En gros, il donne... c'est un peu, en gros... une parodie de des enfin ça prend un peu le contre-pied des gens qui disent ouais, sois un homme, fais ça, ouais. Et du coup poussé à l'absurde, et du coup l'exemple que dit Marie par exemple, c'est où il dit soyez totalement malheureux et ne changez absolument rien, soyez un homme. Et c'est un mec un gars qui a genre 50 piges avec une casquette à l'envers, vraiment, ouais. Enfin, il a le physique très, du très gars drôle. Qui dit ça, et c'est que des trucs hyper courts comme ça, ouais. Et ça me fait allez, rire quoi. 4 ouais. millions d'abonnés sur TikTok, j'ai vu. Il bah, est sur les chiffres. Man, ah ouais. Eh ben, je savais même pas. Bah, mais moi, je trouvais dans le. Là, depuis. Mais ça me fait penser au compte qui m'a fait beaucoup rire. Objectif, du coup, billionnaire. Enfin, quadrillionnaire, non. Ou quadrillionnaire, enfin, qui se moque d'objectif millionnaire. Ouais, ouais. C'est assez marrant quand même. Il y a des phrases très très drôles. Et ben, moi, je vais vous conseiller un. Ah, t'avais un deuxième truc peut-être. Non, c'est bon. Non, c'est les deux comptes TikTok. Non, non, c'est tout. Et ben, moi, je vous conseille un film Pixar. Donc, je pense que vous l'avez vu aussi. Mais ça s'appelle Alerte Rouge. Non, c'est leur dernier film avec le panda roux, là, avec le panda roux qui s'appelle Turning Red en anglais, c'est sur Disney+. C'est vachement bien, c'est un film en fait, je trouve que ça ressemble pas trop à un Pixar, si tant est Pixar ressemble à quelque chose, mais dans l'imagerie qu'on a de Pixar, c'est réalisé par Domi Shi, j'espère que je le dis bien, qui avait fait déjà un super court-métrage qui s'appelait Bao. Donc quoi, bah oui, oui, Yachi, bah oui, évidemment, bah, évidemment. C'est fou, ouais. J'ai 12 ans. Ouais. Vraiment, j'ai. Et c'est écrit, alors j'ai peur que ça se fasse rire, par Laetitia Caca. Et non pas Pika. Bien sûr. Non, et donc, ouais, elle avait fait un super court-métrage aussi qui s'appelait Bao. Et donc là, c'est sur une adolescente de 13 ans qui est tiraillée parce que bah, elle est ado. Ça se passe, déjà, j'aime bien, ça se passe en 2000, en 99, je crois, ou en 2000. Donc il y a des vieux portables, ils sont fans de boys band à la NSYNC, enfin tu vois, et pour zéro raison, enfin tu sens que c'est juste la réalisatrice qui veut parler de sa jeunesse, ouais, en fait. Stranger et et en gros c'est une ado asiatique, et il y a sa mère qui est beaucoup sur les règles, et elle est une ado quoi. Et en gros le jour de, enfin pas le jour de, mais pendant ses 13 ans, quand elle a une grosse émotion, elle se transforme en panda roux. Aurez-vous saisi la métaphore de l'adolescence, de machin et tout? Donc la mère pense qu'elle a ses règles, etc. C'est un truc assez fou d'ailleurs. Turning parce que Red. Oui, bah oui. C'est moi, j'ai jamais vu dans un Disney une mère d'une héroïne qui va lui acheter des tampons, par exemple. Donc c'est une ah mais c'est le premier, c'est le fameux, la fameuse première évocation des règles dans un film d'animation. J'imagine. Enfin, ça pourrait parce que c'est la première fois. Je crois que c'est ça. J'ai lu un truc. Et bah tout le truc est un peu une métaphore en fait de ça. Et l'histoire est pleine de surprises. Ça va très très loin. C'est très très drôle, ça reprend plein de trucs. J'ai l'impression qu'il y a un avant et un après Spider-Man, Spider-Verse, parce qu'il y a des mélanges un peu d'animation où d'un coup t'as l'impression d'être dans un animé, et puis d'un coup ça redevient Pixar, ouais, et d'un bien. Coup, et ça visuellement c'était comme le film Les Mitchell que j'avais adoré sur Netflix. Ouais. Visuellement, du coup, il se passe tout le temps plein de trucs, donc tu fais putain, enfin c'est vraiment cool. Et c'est un chouette film sur l'adolescence. Je n'ai jamais été une adolescente de 13 ans, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça en parlait bien. Et c'est très très drôle, surtout. Enfin, ça, c'est le truc que je trouve que Pixar sont vraiment les plus grands. C'est que c'est très émouvant et très très drôle, quoi. Les blagues sont, tu rigoles vraiment fort devant ta télé. Ça, c'est son truc, ça. C'est ça, mon truc. Et puis, alors, le prince Pixar. Ça rigole, mais ça chiale. Oui, mais ça rigole. Il y a les règles, donc il y a tout ce que j'adore, quoi. T'es un petit poulet aigre doux, toi. Je suis un poulet aigre doux. Ouais. Bah, ça me va. Donc voilà, ça s'appelle Turning Red, Alerte Rouge en français, et c'est sur Disney+. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Dernier petit tour de table pour rappeler un peu la promo de chacun. Donc Marie, oui, tu as donc toujours ton documentaire sur France TV Slash. Tout à fait. Ton émission, ton émission Tourista avec Maxime Muscat en podcast. Tout simplement. À fait. C'est disponible sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, exactement. Toutes les applis. Et comment tu dates, qui est aussi sur ton Instagram. Voilà, le format vidéo est sur Insta, Marie D-E-B-R comme Marie de Brouwer. Tout simplement. Tout simplement. Et la version longue en podcast également. Tout à fait. Voilà. Donc Maxime, bah pareil, Tourista, une fois toutes les deux semaines. Là on est parti sur la saison 2. Là on reçoit Arnaud Boissière qui a fait 4 fois le Vendée Globe, c'est-à-dire qu'il a fait le tour du monde en solitaire 4 fois d'affilée. Alors normalement il y a 50% d'échecs et donc lui c'est un des seuls à avoir réussi à faire 4 fois. Enfin bref, ça va être incroyable. On le reçoit la semaine prochaine. Donc faut que je bosse un peu le truc. Oui d'ailleurs je t'en parlerai, mais parce que moi voilà, donc il y a ça, il y a la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, et si vous pensez que ça peut être utile à des gens, n'hésitez pas à la partager. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. Comme ça que ça me permet de monter des nouveaux projets. Et voilà, il y a des dos en cours, mais c'est pas encore validé. Mais il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Et puis je me suis un peu remontré en vidéo et tout. J'ai des nouvelles propales. Voilà, le téléphone qui ressonne un peu. Ah bah voilà, mon numéro 06. Tu sais, je vais faire ma phrase de Laurent Ruquier. Tu reviendras nous en parler, bien sûr. Julien, toujours dans ton corps ? Toujours DTC, ouais. Où tu as sorti du merch, d'ailleurs. C'est vrai. Il faut aussi le dire aux gens. Oui, enfin, j'ai juste ouvert un compte Utip qui propose un shop, donc il y a du merch. En tout cas, vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Vous faire plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir. Donc DTC, ouais, tous les 15 jours, je me mets moins la pression sur la fréquence. Alors moi, les projets, le fameux truc musical dont je peux pas parler, hein, j'ai un autre projet un peu plus long terme dont je peux pas parler non plus. Mais j'ai vu aussi que DTC, tu faisais des petites capsules pour TikTok, Instagram aussi maintenant. Ouais, ça je fais vachement beaucoup plus maintenant. Ouais, TikTok et des reels sur Insta, j'en fais plus, des trucs soit des petits extraits de vidéos, enfin des trucs dont j'ai déjà parlé en vidéo, soit des petits sujets qui font pas, qui tiennent pas sur 5 minutes. C'est cool, je suis tombé dessus la dernière fois, c'est vachement bien. Et quoi d'autre, le Vortex sur Arte. Mais oui, bien sûr, le Vortex. Alors, épisode final, la semaine prochaine, du coup. Mercredi d'après. Trop bien. Très bonne chaîne YouTube, le Vortex, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Plein de gens super, c'est drôle, c'est intelligent et intéressant. Donc voilà. Et jeudi là, jeudi 24, à 14h30 sur le stream, je suis invité d'une émission qui s'appelle Love Talk. Donc on va parler d'amour, pas mal, de rencontres. Bon, trop bien. Voilà. Sur la chaîne du stream, donc. Sur le stream, ouais. Tout à fait. Adrien, MST. Alors MST, l'émission de Mister V, je suis. Voilà. Adrien, c'est la petite MST que tu nous traînes depuis. Qui ne veut pas. Des années après. Toujours là. C'est une émission. C'est un sketch show. C'est sur Canal, mais ils vont diffuser des sketchs tous les vendredis. Ouais, il y en a un qui est. Il y en a deux. Du coup, là, normalement, si vous écoutez le podcast, vous avez vu. En fait, sur la chaîne. Il y aura un sketch tiré du sketch show tous les vendredis qui va sortir. Il y en a déjà deux et il y en aura deux autres, je crois. Ouais, ça, il y en a quatre en tout. Et voilà, le premier sketch show de Mister V sur lequel on a écrit et dans lequel j'ai joué tout ça. Il y a Derby Girl, il y a enfin une date, c'est le 8 avril, la saison 2 de Derby Girl qui sort. Et toujours France TV slash également. Sur France TV slash. Alors les deux culs de Marie et d'Abega. Absolument. Et Visitors, la date n'est pas encore annoncée. Elle n'était pas annoncée à la fin. Sur la bande annonce, il y a marqué bientôt. Donc, d'accord, ok. Bon, donc bientôt sur Warner TV. Exactement. Mais donc bientôt, a priori quoi. Ouais. Donc, t'es toujours aussi noche aussi. Oui. Ah oui, tous les deux. Pardon, t'as dû en parler déjà plein de fois. Un claviériste, un joueur de salle dans les vêtements. C'est vrai. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis moi, pareil, MST, sur lequel j'ai aussi écrit. Tu m'as refilé d'ailleurs. Oui, joli. Ouais, MST, dont le sketch, qui est sorti vendredi, que j'ai écrit, la parodie du documentaire de Clément Cotentin, Montre jamais ça à personne. Savoureux. Donc, là, les gens l'ont vu, qui nous écoutent. Je le rappelle quand il est dans le futur. À ce moment-là, je l'ai vu. Je suis très content. On a bien rigolé à faire ce sketch. Donc, j'espère que ça plaît. Parce que pour le moment, vu qu'on est dans le futur, je sais pas. Ouais. Mais j'espère que ça plaît. Et le spectacle de Baptiste Le Caplain en tournée dans toute la France. BaptisteLeCaplain.fr, spectacle que j'ai coécrit et que je vous invite à aller voir. Et qui sera à Paris en octobre. Je crois que c'est tout. C'est déjà bien, ça va. Et puis Olivier l'alien en BD, tout ça. Mais enfin voilà. Merci beaucoup tout le monde. À très bientôt. Salut. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.